then I give you blood clots, and I step through the fog and I creep through the smoke, cause I'm Snoop Doggy, Doggy, Doggy, Doggy. Shante, Jabba Squad. Be about us, be about us. What's love? Got to do it. What's love? It's about us, it's about us. What's love? Got to do it. What's love? It should be about us, it should be about us. What's love? Yeah. Slow down, baby, let you know from the gate. I don't go down, lady. I'm on a chick with dick hips and licks to lips. She can be the office type, but like the strip. Girl, you get me aroused, how you look in my eye. But you talk too much, man, you're ruining my high. I wanna lose the feeling, cause the roof is ceiling is on fire. And you looking good for the getting, I'm a rider. Whether in a hoodie or a linen, a provider. You should see the jury on my women, and I'm living it up. The squad stay filling the truck with chicks that's willing to trizz with us. You say you got a man and you're in love, but what's love gotta do with a little menage? After the party, me and you could just slide for a few, and she can come too. That's love. Got to do it. Next time I see you, catch a roll in the back. For the life of me, I cannot see why you don't know how to act. Got a clan when you keep, but when you run that solo creep, out on the streets, you don't hear a beat. Nigga, it's a goddamn shame. Somebody explain why they send a bad boy to play a grown man's game. Tear that ass out the frame, completely get that ass kicked. Woke up on the streets, but you'll be sleeping in the casket. How long will it last? Nigga, don't ask. Just be first to blast, I'm blowing the mash. Trying to be the first to see some cash. My shit's classic. Like my nigga Nick, go get the tape. We keep the nation anticipating until we break. Money made me evil, Caucasians got me stressed. Niggas aiming at my head, but I still wear my vest. I don't give a fuck, motherfuckers, I'm low. They all ducking with my gun. You ain't shit without your... Le bizarre Dijon Sound sur Trace FM. Ready to attack now. Pulling the parking lot slow with the lockdown. Convicts got the whole thing packed now. Step in the club, the boys robe intact now. I feel it on and crack now. Ooh, I see it's all at back now. I'ma call her, then I put the Mac down. Money no problem, pocket full of that now. I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. Possibly then you're old. Down them poles, looking like one of them pretty cat dolls, trying to hold my woody back through my drawers. Steps those days, didn't think I saw. Creeps up behind me and she's like, yeah. I'm like, I know, let's cut to the chase. No time to wait, back to my bed. I'm on the way to time, pole. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. The girl them broke out on the floor. From your door on a workplace performer. From your door on a man where can't turn you on. Girl make I see you when them upon ya. Can't stand for the long, not eat no yam, no steamed fish, nor no green banana. But down in Jamaica we give it to you hot like a sauna. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh oh, I'm for expose and girl, you got the test out. But you know we're soft, cause girl, you're impressed out. And if you test out of me, if you test out, cause I got the remedy for make you distress out. Me have a flat to become a God bless out. And girl, if you want it, you have to confess out. And a life where we need set speed, if you test out. Well, I'm on the way, this time, cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn. Crazy now, this straight drop it and a Bridget and flavor show. Ooh, ooh. Time for me make baby now, so stop boy like you, I get shady, yo. Ooh, ooh. Woman, don't play me now, cause I no flips and fuck, not greedy, yo. Ooh, ooh. My loving is the way to go, my loving is the way to go. Well, woman, the way the time cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. With a player like me, with a brother like me, girl, there is no other. No need to talk it right here, the spark it right here, keep it undercover. Come in love, all your fitting and your blouse and your fatting and your jeans, I'm a wild discover. Everything about you, baby girl, can you hear when me utter? Well, woman, the way the time cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be. Come shake that booty. Le Beefer, Dijo Sound, sur Trace FM. It's about that time. What time is it? On s'équipe, les gars. Appuie sur le bouton. Quel bouton? Quel bouton? Il y en a des millions de boutons. C'est parti. C'est nous. Vous êtes quoi, une bande de super-héros? Lui, c'est Yannick, notre chef qui n'a peur de rien. On les vanne, on les piège, il faut que ça saigne. Nessie, c'est la brute épaisse. Pourquoi moi? Pourquoi vous m'embêtez, les gars? Enfin, bref, passons. Sabri, c'est un vrai génie. Et moi, c'est Hugo, le double H élégant et irrésistible. Et mec, ça te dérange pas si on démarre l'émission? Ah ah. Bref, on est la génération 9-7. Lancement. Trace. Guadeloupe, Martinique, Guyane. Prends la parole dans la première libre antenne des Antilles. Génération 9-7. Bonsoir. Ouais. Bonsoir les traceurs. Hey. On est de retour, yeah, Mada, yeah, Guada, yeah. Yana. Une chose est sûre, le soir vous n'avez plus le choix. Ici c'est la libre antenne des auditeurs. Il y a de la vibe les traceurs, il y a de la vibe. 1, 2, 3, go. J'ai 9-7, bien bandé. J'ai fait ces micros, j'y entrame. Ça, c'était pas bon. C'était pas mal, c'était pas mal. Je m'améliore. Honnêtement, je sais pas ce que tu fais encore en studio radio avec nous. Il faut que t'ailles en studio enregistrer tout de suite pour faire un tube. Ah ouais mec, bonsoir Hugo. Salut Yannick. Yes, bonsoir Sab. Hello. Comment ça va Nessie? Ça va, ça va. Deux absents, les absents ont toujours deux. Ils sont en retard ce soir, attention on les affiche. Kesha Van, Calvera, qui est un mec pas très très sérieux. Et Lilou non plus, peut-être qu'ils sont à deux. Aïe aïe aïe. Dans c'est les chaud. Toilettes de la radio, quelque part c'est très très chaud. Oh, c'est chaud, ça sent mauvais. C'est ce que je pense vu qu'ils ne sont pas derrière leur micro. Ça sent très mauvais. J'ai le set bien bandé, fais cette micro sur le table. Attention, derrière les platines, y'a Tijo dans la Trace Radio. Du canular, du hey babe, hey baby, hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Du cocoteur ce soir également en live. Cocoteur. Oh non. Le featuring imprévu, tu sais. Bref, du cocoteur, on piégera évidemment les mecs les plus chauds des sites de rencontres. Voir si eux-mêmes on peut les choquer. Ce sera un petit peu plus tard dans l'émission. On piégera évidemment avec l'aide de Kalash ce soir les numéros de téléphone que vous nous envoyez. 0820 203 100. Je crois qu'on a du canular à terminer aussi ce soir. Ouais, le canular d'hier d'ailleurs. Ouais. C'est un super titre d'ailleurs. Je trouve ça le bien. Le canular d'hier. Le canular d'hier. Il y avait le jour d'après, maintenant il y a le canular d'hier. Dans un monde totalement désolé. Avec de la violence partout. Oh oui, oui, il y a oui, quand oui. même un endroit où la bonne humeur est de rigueur. Retrouvez la bonne humeur avec le canular du jour d'avant. On a également du cadeau ce soir, on a l'iPhone 7 à vous offrir. Ouais, l'iPhone 7, faut guetter le signal, c'est la sonnerie de l'iPhone tout simplement qui retentit dans la trace radio. Vous nous appelez et vous nous donnez un code à deux chiffres. Ouais. Il y a un nombre de possibilités très limité. Un code à deux chiffres, ça veut dire que toutes les possibilités doivent être entre 00 et 99. Ça J'en passe. Profite pour faire une petite annonce. Arrêtez de me demander la combinaison, je ne l'ai pas. Sinon c'est ma maman qui aurait gagné. Toi aussi, on te la demande. Mais c'est clair. Moi ce qui me fait le plus rire, c'est les DJ, tu sais, qui arrêtent pas de chambrer un petit Joe, ils me demandent à moi. L'iPhone 7. Tu sais, genre, ouais, comme ça tu pourras mixer sur ton smartphone, pas de problème. Je te l'offre volontiers. On va vous faire un cadeau dans Génération 97. On va vous publier la grille sur laquelle on a déjà noté les propositions. On va faire ça un petit peu plus tard, on reste vigilant en guettant le signal, c'est facile, c'est la sonnerie que vous connaissez, c'est le marimba internationalement connu en tout cas, du iPhone qui retentit. Dès que tu l'entends, tu débarques au 0820 203 200. Il manque des choses. On a des places de cinéma pour aller voir le film de votre choix. Ouais, il y a le gang des Antillais aussi, on a des places pour ça. La sortie du film a été consommée du côté de la Guyane, la salle était pleine à craquer. Ouais. Reste la Guadeloupe et la Martinique, on reçoit l'équipe du film demain soir en la personne de JJ, l'acteur principal, mais aussi Jean-Claude Barni, ouais, le réalisateur. Jean-Claude Flamand Barni. Flamand Barni, ouais, donne tout son pédigré, ouais, s'il te plaît. Flamand Barni, s'il te plaît. Qui, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas flamand, mais est guadeloupéen. On recevra également le Martiniquais qui figure à l'affiche de ce film, Vincent Vermillon. Ça sera demain soir, Vincent Vermillon. Les meufs ont déjà craqué pour lui dans la série Cut qui se tourne à La Réunion. 0820 203 200. Ici, c'est la libre antenne de... Auditeur. La libre antenne est faite par toi. Pour toi. Toi. Chez toi. Avec toi. Avec toi. Allez, on se démarre avec un petit bambi. On revient juste après. Le premier jeu de la soirée, ça sera quoi? Je me tâte. Une question con peut-être. On va faire fonctionner vos neurones pour repartir avec quelques cadeaux. On a des packs Amigo aussi à vous offrir. 0820 203 200. Bambi, aime, yo, aime. Faut pas moller la mouka flasque, mon girl. Faut juste savoir qu'il y a no car around the world. Faut pas moller la mouka flasque, mon girl. Caribbean girl, I no car like the world. Fresh, quand t'as mains en peur. Bad girl, cabayo mal dead. Jeans qui a mal parlé, mais nous pièces pour l'aïe. Et si y'a des suspects, qu'on carré present girl. Yo, mon nez on point, mon shape on point. Chaque côté, mon passé, mon toujours on point. La mobilité que mon gang est biché on point. Caribbean girl, I look around the town. Chaque côté, mon passé, mon toujours gangstay. Bambi, y'a ça qui a pété y'a tête non-stop. Mon toujours qu'a venu que des different saps. Chaque son, mon cas sorti, cabayo different tap. Non, faut qui? Faut pas moller la mouka flasque, mon girl. Faut j'en savais qu'il y a no car around the world. Faut pas mouler la mouka flasque, mon girl. Caribbean girl, I no car like the world. Fresh, quand t'as mains en peur. Bad girl, cabayo mal dead. Jeans qui a mal parlé, mais nous pièces pour l'aïe. Et si y'a des suspects, faut qu'a represent girl. Nous cabons, y'a bien les bandes inside. Full money pour la pote dans nos cabas side. Nous cas amusé, y pas j'ai gain pièce job. Dans nos rivières, une côté, y pas j'ai gain pièce flop. Nous cabons, y'a bien les bandes inside. Full money pour la pote dans nos cabas side. Nous qu'à amuser, y pas j'ai gain pièce job. L'homme nourrit pour un côté, y pas j'ai gain pièce flop. Faut pas moller la mouka flasque, mon girl. Faut j'en savais qu'il y a le car around the world. Faut pas moller la mouka flasque, mon girl. Why this make you feel like though? Why this make you feel like though? Why this make you feel like though? Girl, come when to the rock off your back. Rock off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back. If you broke off your back, broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back. Girl, I know you got the glue, know you got the glue, know you got the glue. Come broke off your back, broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back, girl. Who you are ramp with on a game? Anytime you're ready, girl. Come in here, the place get wet like in a rain. Can I make you feel high like on a plane? She say I saw the love, the act. Baseline sweet and I touch his back. Dancing, she love to that. Girl, coach the chat. Come wine till you broke off your back. Broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back. Broke off your back. Done. Them a catch a attacker when you whine and go down. And lyrics a punch like a Mike McCallum. Watch the pirate, them a run come. And anyway, me go sexy girls get around. Them keep me tropical, cause them act like the sun. And walk a walk and run a run. Knife a knife, gun a gun. Gun, try not get gun down. Cause I come out of that dog, you know one none. Get one out of that top of your head. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. Sur Twitter, il y a Audrey également. Et puis sur Snapchat, Trace FM 97, il y a Mimi, il y a Freebands et il y a Keren. Salut, salut. Pour nous rejoindre sur les réseaux sociaux, hashtag G97 et à Trace FM. On revient dans un petit instant avec la première question compte de la soirée, les premiers cadeaux qui vont tomber. Préparez-vous. 1, 2, 3, presque partez. 0820-203-200. On revient également avec du sujet. Il y aura de la Yoshi Strophe. Et puis la suite du canular dans un petit instant. Génération 97 sur Trace FM. Ouais, je trouve que dans le premier quart d'heure de l'émission, on devrait en profiter pour faire du crossfit sur la musique de Tijo, tu sais. Franchement, honnêtement, ça, il fait transpirer le mec. 0820-203-200 également sur le net, www.trace.fm. Est-ce qu'on sait déjà? Est-ce qu'on a déjà choisi un numéro de téléphone pour le Hey Baby Allo? Est-ce qu'on a une cible? Comment ça se passe? Ouais, on a déjà une cible, mais vous pouvez encore envoyer vos numéros, on sait jamais si ça passe pas. Ça sera un petit peu plus tard pour le Hey Baby Allo, parce que d'ici là, on a du canular. Rappelez-vous, précédemment dans Génération 97, hier soir, il y a Christelle qui a essayé de piéger sa sœur qui habite en métropole. Il se trouve qu'elle a fait croire à sa sœur qu'elle était enceinte d'un voyou. On comprend mieux. Voilà, on comprend mieux la chanson de F.A. Baby quelques mois après. Ok. Ça a très très bien marché dans les débuts, sauf que visiblement la grande sœur de Christelle a un fils, ouais, qui nous écoutait. Qui à 2h du matin ne dort pas et a capté Trace en fait. Donc du coup il a balancé, elle nous a grillé. La bonne nouvelle, c'est que plutôt que de se dire oh mon dieu, on a bien rigolé mais c'est dommage, il y en a un plus sous la pédale, c'est dommage. La bonne nouvelle, c'est que Christelle a une autre sœur. Bonsoir Christelle. Allô allô. Alors, explication de la situation. Monsieur le standardiste. Au début, je cherchais qui est le numéro de Christelle, mais je n'étais pas sûr que c'était elle. Donc j'ai cherché sur le standard. Tu sais quoi, mec? J'ai trouvé. C'est quoi ta carrière, en fait? C'est-à-dire qu'en fait, chaque fois que tu ouvres la bouche, en fait, ça ressemble à tous les billets d'absence que j'ai pu signer, en fait, avec des explications à la noix pourquoi j'étais pas là, tu sais, au lycée. Donc en fait, c'est ton mauvais karma qui revient. Genre, c'est de ma faute, quoi. Mais oui, frère. C'est toi qui as fait des faux billets d'absence ou de retard. Voilà, à cause de toi. J'ai pas fait des faux billets d'absence. Voilà, mais c'est ça. J'ai fait des vrais billets d'absence avec des fausses signatures de mes parents. C'est pas exactement pareil. Hashtag G97, hashtag TraceFM, 0820 203 200 également sur le net www.trace.fm. Donc qu'est-ce qui se passe? On n'a pas Christelle, pourquoi? Tu retrouves pas son numéro? C'est ça. Bravo. Alors, on va faire un truc. Tu sais quoi? Ta manière de travailler, hein? Eh, ça nous dérange. Ok? Alors, s'il te plaît, l'organisation, comment l'organisation? Hein? Tu as toujours pas trouvé le numéro de la nana? Je suis pas pressé. Je coupe mon micro. J'ai pas envie de gaspiller de salive ce soir. Donc on fait quoi en attendant? Mais si c'est un vrai chien Miko. Hein. Mais non, 7 secondes. Le mec on lui dit RTT en pleine émission. Tu sais genre récupération en pleine émission, on va pas se gaspiller. Maman, et on fait quoi les gars alors? Les gars, tu sais genre le mec, franchement, on dirait le petit frère, tu sais qu'on le mène derrière nous et on lui dit non, toi tu peux pas passer la rivière, t'es trop petit. Mais pourquoi? Putain, le mec il y va tout seul quoi. Bref, on fait quoi? Je sais pas, propose. Au lieu de poser des questions, propose. On a des cadeaux, on peut faire la question con. Ah, bien. Lacey, as-tu une question con pour nous? Bonne suggestion. On a plein de cadeaux pour vous, faut répondre à cette question. Alors la question est, pourquoi la vache qui rit rit-elle? Mais oui, c'est pourquoi profond, ça. On aurait pu la faire autrement, on aurait pu la faire en train de pleurer ou en train d'être sérieuse. Bah, c'est une marque. Oui, mais pourquoi est-ce qu'elle rit? Bah, elle rit pour être... Parce qu'elle est joyeuse, elle mange du fromage. Une vache qui mange du fromage, c'est normal. C'est un peu du cannibalisme, non? Une vache qui mange du fromage, non? Non, mais ça ressemble peut-être à autre chose. Les gens qui goûtent des trucs qui s'échappent de leur corps. Ouais, c'est ça. Mais c'est... Il y en a peut-être qui font du fromage avec. Je suis en autarcie, tu sais. On l'a tous fait hein, quand on était... Non, pas moi. Moi, j'ai jamais goûté des trucs qui sortaient de mon propre corps. Quand tu pas de ton propre corps. C'est de ça dont on est en train de parler, Nessie. On l'a tous fait. Si tu as une révélation à nous faire, c'est le moment. Je veux dire, on a un peu de temps à tuer en attendant de retrouver le numéro de l'auditrice qui est en premium. Hein, à côté de son nom, on a mis 4 étoiles parce qu'on devait absolument la rappeler. C'est-à-dire qu'elle-même, elle doit être morte de rire derrière la radio parce qu'on n'a pas son numéro, mais elle sait qu'on la rappelle. Elle est déjà en train d'écouter. C'est con, hein, quand même. Hein. Bref, tout ça pour dire que ça ressemble un peu à du cannibalisme. La vache qui mange, qui rit? Non, mais non, la vache. Mais je connais, j'ai une copine qui buvait son propre lait. Oui, mais. C'est vrai. C'est elle goûtait toujours le lait de son petit. Vous savez quoi, la prochaine fois qu'on a besoin de gagner un petit peu de temps, on branche Nessie. Hein. Simplement, on la branche. N'importe quoi, tu prends un mot thématique, comme ça tu fais lait. C'est parti, un quart d'heure de One Woman Show. Mais ça vous choque? Ton appart est vide, appelle Nessie, elle te le remplit. Ça vous choque vraiment? Moi je sais pas si je peux. Enfin, moi déjà, le lait maternel. C'est un drôle de goût. Moi déjà c'est pas du lait. Mais il n'empêche que le lait de vache, on devrait pas en boire. Bref, c'est à la réponse. À la pourquoi question la vache qui rit? Moi je pense que c'est parce que c'est une marque et qu'elle doit donner envie d'être achetée, qu'à un moment une vache qui fait la gueule, c'est pas très vendeur. C'est peut-être pas la bonne explication. 0820 203 200 pour nous donner votre réponse, il y a des cadeaux en jeu. On revient dans un petit instant, à tout de suite dans G97. Cette semaine, et mon père était un vieux nègre en colère. Tout juste arrivé à Paris, Jimmy, en mal d'intégration, se retrouve entraîné dans un gang. Jimmy, il y a d'autres façons de gagner de l'argent. Pas ici. Et une spirale infernale débute. On ne crie pas. Le gang des Antillais, le nouveau film de Jean-Claude Barney avec Nègre Marron. Un film militant avec JJ Attali et Vincent Vermignon. Tu vas finir en prison. Venez écrire la légende LGDA, le gang des Antillais. Pourquoi t'as laissé faire ça? Un film basé sur des faits réels. Dans vos cinémas Rex et Darbo, ce samedi 15 octobre. Jimmy. Avec Trace FM. Info rexdarbo.com. Oh là là. Ah, c'est compliqué les études, les démarches, le logement et tout. Et puis c'est pas donné hein. Le bon plan c'est la CAF. C'est simple et t'aide à payer ton loyer. Si tu es étudiant en appart ou en résidence universitaire, tu peux bénéficier de l'allocation logement avec la CAF. Fais ta demande directement en ligne sur www.caf.fr. T'es sérieuse? C'est aussi simple que ça? Bien sûr, simple comme un clic. Pour ta demande d'allocation logement, c'est direct sur www.caf.fr. Et pour toutes les infos, va sur facebook.com/cafétudiant. Cette année, l'allocation logement étudiant, c'est zéro papier. Donc, 100% dématérialisé. CAF.fr, rapide, fiable, proche de vous. Pour prendre une décision importante pour mon avenir, le doute s'installe. Quand tu es jeune, on ne te prend pas toujours au sérieux. Alors, avoir confiance, c'est pas gagné. Hein? Comme on dit, rien passe sans peine. Alors, j'écoute, je réfléchis. Seul, je me pose avec mon yop. Toujours le même, toujours avec moi. Et là, je décide. Au moment voulu, pas flipper, ne jamais renoncer. Ne renonce jamais. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. I'm sorry. Cuistre SM, en sonnerie exclusive sur ton phone. C'est maintenant et c'est direct sur ton mobile. Envoie Mister par SMS au 98000 et télécharge la sonnerie, l'alerte SMS ou le réveil. Mister au 98000. Service édité par Access Interactive. 1,50€ plus coût du SMS. 2 SMS max. Ce dimanche soir, entre 19 et 22h, Trace FM te rejoue le meilleur de Génération 9-7. Le replay. C'est le replay de Génération 9-7. Comment? Elle s'appelle Vanessa. Elle s'appelle Vanessa. Écoute-moi, petit. Génération 9-7, le meilleur de la semaine. La crème de la crème des conneries de la semaine. En rediff ce dimanche soir entre 19 et 22h sur Trace FM. Le replay de Génération 9-7. Aussi dispo sur trace.fr. Martinique, Guyane, un coup de gueule, un délire. Le soir, exprime-toi librement au 0820 203 200 dans Génération 97 sur Trace FM. Vegibens. Trace FM. Génération 97. Belle jeune femme en vrai, tout genre. Si nous guessons pour en life, passons vers tous les jours. Tous les jours. Chal viré depuis le départ. Qu'a senti moi bien aller tous les jours en vérité. Wow. Y'a nous qui aille là où fait aïe. Ou bras qui kèrent moi vers au mettre sentiment en otage. Y'a nous c'est en belle jeune femme. En vie pas ou rété seul. En qui fait tout pour ses temps. En foi c'est là qui rété d'ailleurs. Et nous qui flex faut quitter des mounes. Et qui a dansé en qu'a senti moi bien. Qui pour aller sans retour. En nous parti sans garder d'ailleurs. En savons jour qui tombe. C'est les moins forts pour pas faire rien. En vérité, en pas changer. En toujours le même. Belle jeune femme, belle jeune femme, en vrai, en tout genre. Si nous guessons pour en life, passons-le tous les jours. Tous les jours. Pour baisser ça sans y jamais faire. Tous les jours. Quoi que t'as là, chérie ou douce qu'on flaire. Avec senti l'odeur, on m'a nié ou écouté. Wow, tout le monde fière, mais même souvent des galets sont en tête avant qu'elle chute. Même moi tout en fait, il pas du pibrillon qui ou galant peut être tout près. Ou non stress, à pas trop à cachaille, ou à vous vivre. Y'a aussi une belle jeune femme, belle jeune femme en vrai en tout genre. Si nous gagnons, c'est pour elle. Elle a tout, elle a mon cœur, ouais. Elle a clé de la baraque, ouais. Elle a clé de la bimo, ouais. Elle a tout. Elle a placard en moi. Elle a cambré à l'air. Elle a cambré à l'air. Elle a tout son homme commandé. Elle a il n'y a plus sa main qu'à chercher. Elle a il n'y a plus qu'il s'aille faut, ouais. Like a passé for your baile. En prenant un mois pour éditer qu'on peut faire. En dit ma t'arrêter ma taille pas si c'est un moins. Que bah puisque ça y commandé parce qu'elle est ni moi. En c'est un showman pas un show lapin. Pas mettre qu'un moins au chômage pas faire moins la peine. A part l'amour si t'es là ça nous pas ni aïe. Bon t'es qu'à béni nous qu'a fait nouveau soleil la terre. Elle a tout. Elle a mon cœur, ouais. Elle a clé de la baraque, ouais. Elle a clé de la bimo, ouais. Everybody, ready to jump. Let me hear you sing. That's the way. Let me sing. Hey, you come in my room, you're gonna get. de call that boom boom. Call that XLX large boom boom. On Facebook girl show the boom boom. I like Google King to call the boom boom. Shabbing girl nice hair but a black boom boom. I hear gurney have wrinkle boom boom. I want me see the song name again boom boom. On internet we see in boom boom. All in a song we put in boom boom. Vice Carter say his best friend is a boom boom. So I do in my home. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Don't trust trouble, human being not trustable. If we moving anti-social, I may and real gangsta no beg boy weed. Buy we buy anyhow. Yeah, justice. You know we go far. A friend I got. Not just friend, not just devil. Them a pray hard for you get pebble. If you not trust BS, don't trust trouble. Human being not trustable. If me moving anti-social, I may hide. Real gangsta no beg boy weed. Buy we buy anyhow. I don't beg for now. Weed is my best friend. And me no want see no next friend talk. Weed is my best friend. Some boy where you talk and I leave me not trust them. Weed is my best friend. Me best party, me best charge. Right now it legal, no fed can charge me. Every day 6 pound in a the RD. Right now, Harry J, them a escort me. If me no have ganja, me no happy. A DJ run me, I go load up shortly. My boy at all can try extort me. But now I rent like Leonard Bartley. Anyhow, I don't beg for no. Weed is my best friend. And me no want see no next friend talk. Weed is my best friend. Some boy where you talk and I leave me no trust them. My best friend. You know weed is my best friend. Call me weeded, call me trust box. But no say nothing if I get a load box. Mount a high grade weed, them me load up a country. Right now them can't see me, call me higher than a plum tree. When you hot beef in a the weed, just a shot like a bumpy. Génération 9-7. Guadeloupe, Martinique, Guyane. 100% Radio Libre. Tous les soirs sur Trace FM. La Radio est libre comme tous les soirs. L'équipe au complet vous attend. 0820 203 200. Vous débarquez. On a du Hey Baby Allo qui arrive dans un petit instant. Kalash, piège la personne de votre choix. Suffit simplement de nous envoyer les numéros de téléphone. 0820 203 200. Ou alors vous nous lâchez ça en PV sur les réseaux sociaux. Pas de problème. Vous nous dites simplement un peu qui on appelle. Parce que si vous ne donnez pas le prénom, juste un numéro de téléphone, on peut même pas lui dire à la fin que c'est un Hey Baby Allo. C'est arrivé avec Zindienne hier. Zindienne, c'est le Hey Baby Allo d'hier soir. En attendant d'appeler une personne ce soir en direct, on attend les numéros. Allô ? Hey Baby Allo. Allô ? Hey Baby Allo. Allô ? Your boom boom is like a diamond. Ça a accroché à ce moment-là, évidemment, nous on insiste. Allô. Hey baby, allô. Allô. On s'est défoué au confiana. Tout le monde qui parle au moins, on s'est mis en main, ma coquille ouye. Dis donc, tout le monde qui parle numéro au moins, c'est moi la paix, salope qui ouye. On s'est mis en main. Bref, elle a fini par s'énerver. Et plutôt sérieusement, qui on énerve ce soir? C'est la question, vous nous balancez les numéros de téléphone. Le Hey Baby Allo débarque tout à l'heure. D'ici là, breaking news. On est du côté de la Martinique. On est rejoint par Salomé, si je dis pas de bêtises. Bonsoir Salomé. Salut. Ça va? Alors, coupe ton haut-parleur. Tu parles bien en face du téléphone. Et t'es là normalement en mode élection. Tu te présentes à la présidence de la République française, non? Non, pas du tout. Ah non, d'accord, ok. Non, mais on sait pas, ils sont nombreux et parfois ils sont anonymes, tu sais aussi, les candidats cette année. Donc on se dit que tant qu'à faire, ça peut arriver à n'importe quel moment. Faut qu'on se tienne prêt, quoi. Tu es au lycée Schellcher, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. Ça se passe donc du côté de Mada pour toi. Tu es Salomé, tu es présidente d'une maison des lycéens. MDL. Et à pas confondre avec MDR, même si parfois dans une MDL, ça dépend de du mood, tu peux être MDR, ça dépend. LOL quoi. Le contraire ne peut pas arriver. Le contraire ne peut pas arriver. Tu représentes donc une MDL qui se présente et qui est en campagne actuellement pour briquer le mandat en fait de cette année du côté du lycée Schellcher. Comment s'appelle cette MDL? Alors c'est la MDL New Age. Ah, tu voulais annoncer ça en grande pompe sur tous les médias, machin, etc. Ça y est, ça c'est fait. Quel effet ça fait? Ça fait du bien parce que bon, personne ne nous connaît encore, donc voilà quoi. J'ai compris ça, en fait, vous nous avez contacté dans l'après-midi, ça s'est fait très très très très rapidement. Vous avez besoin de visibilité parce que visiblement, du côté de votre lycée, le choix va se faire assez rapidement. Alors explique-moi tout, explique-moi un petit peu qui vous êtes, c'est l'occasion peut-être d'énerver un peu les autres MDL. Vas-y, tant qu'à faire, qu'est-ce qu'il y a en jeu? C'est quoi l'objectif? Pourquoi on devrait vous choisir, vous? Enfin bref. On fait une vraie campagne, mais là, tout de suite, en direct, pour ta MDL du côté du lycée de Schellcher. Ok, alors, donc, on est là, MDL New Age. On a pour but, donc, de faire vivre le lycée, hein, parce que, bon, on a changé de lycée, on est sur un site qu'on ne connaît pas trop. Notre but, c'est vraiment d'animer, etc., etc. Dans cette MDL, on a essayé de rassembler tous les niveaux, seconde, première, terminale, pour que personne ne soit... soit dans l'ombre, quoi. C'est-à-dire qu'on prend l'avis de tout le monde. Stratégie. Ouais, peut-être. Mais en même temps, c'est ce qu'on attend de gens en général quand on vote pour eux. Mmh. On est très déçus parfois par la politique. On l'espère l'être à un peu moindre échelle du côté des MDL. Tu es en quelle classe, toi, là? Alors, moi, je suis en terminale. Ça veut dire que tu as vécu ce qu'a fait, par exemple, éventuellement la MDL qui était en place l'année dernière? Exactement. C'est quoi les déceptions? Les déceptions, c'est que ce qu'ils appellent les adhérents étaient des moutons, en fait. Des moutons? C'est-à-dire? C'est-à-dire que il y a des personnes qui dirigent et le reste, c'est pour faire la décoration, en fait. Ils n'ont pas vraiment leur mot à dire, en fait. Donc voilà, hein, moi je prends pas des gens. Oui, mais attends, c'est pas grave si les gens sont des moutons s'il y a un bon berger. Donc c'était quoi le problème du berger? Il n'y a pas eu assez d'animation à mon goût. J'ai l'avis de tout le monde, c'est pas que le mien. Pas assez d'animation, vraiment pas. Ok. Bienvenue dans la télé-réalité, les anges des MDL. En place l'année dernière, au lycée de Schellcher, elle a été très désappointée. Son nom, Salomé. Elle nous vient. J'avais envie de dire Carpentras, mais t'es pas de Carpentras, t'es d'où en fait? Tu es où? Tu es de quelle commune en fait, Salomé? Je suis de France, hein. Ah, tu es de métropole? Sérieux? Ouais. Elle est venue uniquement, la meuf, elle est venue uniquement pour diriger le lycée. La MDL, quoi. La meuf, elle est venue, elle s'est dit, bon ben voilà, il y a une place à prendre, j'ai envie d'aider le peuple, la population du lycée. Alors, quand est-ce qu'aura lieu le vote, en fait, pour choisir sa MDL? Alors, le vote, il aura lieu mardi. Ça fait pas beaucoup de temps, hein. Pas beaucoup de temps pour essayer de prouver si en plus vous êtes nouveau sur la place. Pas beaucoup de temps pour prouver que vous allez tenir vos promesses aussi. Est-ce qu'il y a des promesses, qu'on espère d'ailleurs, qui sont pas juste des promesses? C'est quoi le plan d'action un petit peu de votre MDL New Age? Alors, je vais dire quelques petites choses du programme. On va faire une journée de lutte contre la violence, parce que bon, c'est bien sensibiliser les gens sur ça. On va participer au téléphone, on aura des guests, on aura des DJ. Franchement, là, on a tout prévu. Dans notre MDL, on est tous chauds. Vous êtes combien? Combien dans la New Age? On est environ 80 pour l'instant. Ok, d'accord. 80 personnes qui sont disposées en fait à essayer de réaliser toutes vos envies d'animation au sein du lycée, sachant qu'effectivement cette année c'est une année un peu particulière. Ouais, j'ai entendu parler de ça là en Martinique là. Le lycée Chelcher, on vous a déplacé quoi. On vous a déplacé divisé, à l'intérieur d'un autre lycée et de deux autres lycées. C'est particulier quand même, hein. Bah, c'est assez chiant en fait, parce qu'on marche toute la journée, donc bon, voilà quoi. C'est le moment où jamais, justement, on a besoin d'unifier les deux bords. D'un côté cher, alors... d'un côté cher, au milieu, cher. La réunification. La réunification. Le Chelcher de l'Est et le Chelcher de l'Ouest. Bon, et bon courage. En tout cas, je sais que ça va pas forcément être super, super facile à gérer en termes d'infrastructure. Ça, c'est sûr. Mais après, je reste persuadé que de toute façon, c'est peut-être deux fois plus de plaisir pour vous. Hein. On sait ce qui arrive, par exemple, aux enfants de familles divorcées. Hein. T'as deux chambres. Parfois deux PlayStation, bon ça c'est chez les riches, tu vois. Parfois deux fois plus d'avantages parce que papa est moins chiant la semaine où il t'a et maman est moins chiante la semaine où elle t'a. Donc si ça se trouve c'est que du bonheur pour vous, c'est ce qu'on vous souhaite. On avait suivi un petit peu effectivement le débat, la polémique autour du fait que vous étiez déplacé à Bellevue et au lycée technique, qui s'appelle plus comme ça d'ailleurs. Et du coup, bah, on espère que vous acclimatez bien. Comment on fait pour avoir plus d'informations sur New Age? Si là, ça y est, on a eu un coup de cœur, la curiosité, envie de comprendre, et savoir si on va voter pour vous mardi. J'ai pas bien compris la question. Je suis pas prête. La question était trop longue. Où est-ce qu'on trouve des infos sur New Age? Où est-ce qu'on peut se renseigner? Vous connaître. Alors, donc, vous identifier. On a créé des pages Instagram. On va créer des pages Facebook, des Snap. Donc, tous ceux qui peuvent nous suivre sur les réseaux sociaux, ben allez-y. Hein. On est tous là. Et puis, ça s'appelle donc New Age. Tu peux donner aussi le, bah, s'il te plaît, l'ID quand même sur Instagram. Qu'on vous trouve, ça sera plus facile. Au moins. Ah bah, on me l'a pas encore donné du coup. Ah! Ben tu reviendras. Je crois que du coup t'as pas déclenché encore tes adversaires de Chelcher, mais je crois que t'as déclenché des gens de Bellevue. Il y a les MDL de Bellevue. Bienvenue dans les anges de la lycée réalité. Ouais, nous aussi on veut parler. Il y a que les migrants alors. Que les migrants. Ah là là. Bon, ça marche. Et ben bon courage Salomé. N'hésite pas dès que t'as le complément d'information à nous faire remonter éventuellement pour mieux vous faire connaître, pour plus de visibilité. Bonne chance pour mardi avant le verdict. Vous avez un peu de boulot. Hein. Ok. Ça marche? D'accord, ben merci beaucoup. Pas de soucis. Pas de bonne soirée. New Age. Votez New Age. Bon, et passe-moi Karana là. Karana. Karana? Ce soir, dans Génération 97. Un nouvel épisode des anges de la lycée réalité. Elle s'appelle Karana. Karana. Elle est du lycée de Bellevue. Elle représente elle aussi une MDL qui brique un mandat dans son lycée. Tu la découvriras dans un petit instant. Tu es de Bellevue ou pas? Tu veux savoir comment se passe une vraie campagne électorale? Ben on y va. 0820-203-200, on découvrira également Nicolas qui est visiblement... Ils sont adversaires ou pas? Nicolas et Karana? Ouais, ils sont adversaires. Putain, c'est génial pour le pitch du prochain quart d'heure, les gars! On va avoir un fight! Nicolas et Karana ne s'entendent plus au sein de la maison. Yoke, tous les deux ne veulent plus partager le même espace. Oh, bagaille chaud! L'un d'entre eux restera dans cette aventure de la maison des lycéens du lycée de Bellevue. Ça fait beaucoup quand même, hein? Ouais. Des lycéens du lycée de Bellevue. C'est pas, on n'est pas encore au point sur la voix off. On revient dans un petit instant dans Génération 97. Mala, Guala, Yana, voici MHD. On revient juste après sur Trace. On t'écoutera Karala, Nicolas. On revient avec du canular aussi. À tout de suite. Ah, c'est plus qu'un pote, c'est devenu un frère.

chance. But all of our materialist now. Nah, nah, nah, nah. You are my queen, girl. My queen, girl. Queen, girl. Ever say to me to say, baby, you my queen, girl. My queen, girl. Queen, girl. Listen, kick up on myself. Yo, Russia. Queen, girl. My queen, girl. Queen, girl. Ever say to me to say, il y a de l'iPhone 7 dans l'air. 0820 203 200, premier arrivé, premier servi, let's go. On joue sur Trace. Cette semaine, ton nouvel iPhone 7 t'attend. On a Maël qui nous rejoint. Bonsoir Maël. Salut, salut. Bonsoir. Tu nous appelles de Saint-Claude. Oui. Nous sommes au regret de t'annoncer que vous n'êtes pas prêt pour cette technologie. Tu ne sauras pas t'en servir. Est-ce que tu connais quelqu'un sur Pointe-à-Pitre qu'on pourrait appeler à ta place? C'est le mec genre en mode discrimination. Non les gars, non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Si, c'est possible. Évidemment qui à droite a été la plus rapide. Est-ce que tu es coutumière de iPhone? Est-ce que t'as ça déjà veut dire un iPhone que, voilà. Le mot est trop compliqué pour Saint-Claude. Alors non, c'est l'inverse. Hein. S'il y a un truc qu'ils savent faire à Saint-Claude, c'est parler super bien. Le français. Bon. Ah oui, oui, attention, ah oui. Le tribunal est à Saint-Claude. Pas bagaise. Attention. C'est-à-dire que les administrations, grâce au renouvellement de population chaque année, machin, etc., il y a un brassage culturel à Saint-Claude qui fait. Tu as déjà entendu Nessie parler. Quand tu dis comme si que tu as pas vu qu'elle saigne de l'œil. Tu as jamais remarqué ça. Les gens de Saint-Claude sont très sensibles à la manière dont tu t'exprimes, dont tu parles. Et on connaît bien la technologie aussi. Allez, Siri te parle. Elle a quand même acheté Samsung, ça lui a pas encore pété à la gueule, c'est tout. On y va, c'est parti. Donne-moi ta proposition. On écoute ta proposition, ma chérie, on y va. 25. C'est une mauvaise réponse. C'est une mauvaise réponse. Dommage, mais tu as quand même un cadeau. Hein. Tu repars pas les mains vides, tu as ton enceinte Bluetooth. Ah ouais, on va t'offrir ton enceinte Bluetooth. Putain, l'iPhone, il vaut tellement cher que quand tu perds au jeu de l'iPhone 7... C'est un gros cadeau quand même. Bah, alors, tu n'as pas gagné l'iPhone 7, mais nous t'offrons une voiture. Wow. On va tenter la chance avant la fin de la soirée. Il y a un autre signal, une autre combinaison à nous donner. Restez vigilants. Cette semaine, Trace FM offre ton nouvel iPhone 7. Trace FM, premier sur l'iPhone 7. Entre 19 et 22h, Trace FM te rejoue le meilleur de Génération 9-7. Le replay. C'est le replay de Génération 9-7. On va parler ce soir. Dirty Talk. J'avoue être sensible au gémissement. Pas n'importe quel gémissement, parce qu'il y a des gémissements qui sont vraiment horribles. Puis porno japonais, j'ai du mal. Mais moi j'adore. Et dans les messages. Génération 9-7, le meilleur de la semaine. La crème de la crème des conneries de la semaine. En rediff ce dimanche soir entre 19 et 22h sur Trace FM. Le replay de Génération 9-7, aussi dispo sur trace.fm. Quand les femmes courent pour lutter contre la drépanocytose avec McDonald's, ça donne ça. Alors cette année encore, rendez-vous au 5K de McDonald's pour lutter contre la drépanocytose. Dimanche 23 octobre à 8h, rue Thomas Edison à La Jaille. Inscription dès maintenant en restaurant et sur 5kmcdonalds.com. Frais d'inscription de 5€, entièrement reversé à l'association partenaire. Trace FM. Trace FM, la ville du moule et l'association ASCM présentent le Mio Contest, édition DKM. Battle de chant et danse, toutes disciplines. En jeu, 250€ et de nombreux lots à gagner par battle. Samedi 15 octobre à 19h30, salle Robert Loison au moule. Prévente 10€ au guichet salle Robert Loison au moule. Sur place, 15€. Attention, date limite d'inscription jusqu'au 10 octobre. Contact 0690 425 975, page Facebook ASCM Initiative Projet. Mio Contest Battle Chant et Danse, samedi 15 octobre, salle Robert Loison, au moule. Be there! www.trace.fm. Ce dimanche soir, entre 19 et 22h, Trace FM te rejoue le meilleur de Génération 9-7. Le replay. C'est le replay de Génération 9-7. Comment elle s'appelle Vanessa. Elle s'appelle Vanessa. Écoute-moi, petit. Génération 97, le meilleur de la semaine. La crème de la crème des conneries de la semaine. En rediff ce dimanche soir entre 19 et 22h sur Trace FM. Le replay de Génération 97. Aussi dispo sur Trace.fm. Trace FM. www.trace.fm. Festival Caribzik revient en mars à bord du MSC Poesia avec Trace. En concert, Wayne Wonder, Tania Stephens, Alison Hines, Missy Sadik et beaucoup d'autres. Caribzik, clubbing, beach and pool parties, stand-up comedy, sport. 7 îles différentes pendant 7 jours. Séjour au départ de Martinique et Guadeloupe à partir de 699€ par personne. Payable en plusieurs fois. Attention, quantité de cabines très limitée. Tarifs et conditions sur les pages Facebook Caribzik et nayaradouvoyage.com. Caribzik 2017. Tout le monde à bord. Avec Trace. Samedi soir. Le son claque. Dans Urban Zone, 18h, 21h. Urban Zone. 3h pour remonter les 3 classements de référence. Hit US. Le top 20 des hits américains de la semaine. Le hit jamaïcain. Le classement des 20 hits les plus joués en Jamaïque cette semaine. Et entre 20h et 21h, le hit local. Tes 20 plus gros sons urbains préférés de Mada, Guada et Yana. Samedi soir, viens prendre du gros son dans Urban Zone, 18h, 21h, sur Trace FM. Ce dimanche soir, entre 19 et 22h, Trace FM te rejoue le meilleur de Génération 97. Le replay. C'est le replay de Génération 97. Oh, t'as du canular, tu veux piéger qui ce soir? Ton frère. Quoi? Il veut piéger son frère. Merci beaucoup, on avait compris. Génération 97, le meilleur de la semaine, la crème de la crème des conneries de la semaine, en rediff ce dimanche soir entre 19 et 22h sur Trace FM. Une petite seconde, ça va se calmer, t'inquiète. Le replay de Génération 97, aussi dispo sur trace.fr. Génération 97. Ici, c'est la libre antenne des auditeurs. Merci d'être avec nous dans Génération 97. Mada, Guada, Yana, on revient dans un petit instant. Qu'est-ce qui se prépare? Du côté des breaking news, il y a un truc qui glace un peu le sang, on va pas se mentir. Ça se passe du côté de la Guadeloupe. Il y a pas mal de remue-ménage autour d'agressions. Une qui a eu lieu la semaine dernière, qui concerne un couple, visiblement du côté de la rivière de Capesterre. Un truc qui se passe pas bien avec une tentative de viol. Et là, un braquage, visiblement hier soir. Ouais, du côté du côté de quelle commune? Du Gosier. Ça a commencé au Gosier, ça s'est terminé au Lamantin. Et le truc qui est complètement hallucinant en fait sur cette histoire, c'est que là aussi, visiblement, au-delà de la tentative de viol, il y a eu viol. Alors c'est vrai qu'il y a une espèce de psychose qui est, et c'est France Antilles qui en parle très très bien, il y a une espèce de psychose qui est en train de monter autour de ces histoires. Vous en avez entendu parler ou pas? Parce que forcément, à un moment ou à un autre, quand les médias commencent à en parler, c'est pas WhatsApp, hein. Je parle pas de WhatsApp. WhatsApp, on fait tourner des trucs pour faire flipper les gens, machin, etc. Et est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter? Est-ce qu'il y a des gens et de si nombreux gens, en fait, qui ont pété un plomb en Guadeloupe? C'est quoi leur but du jeu? C'est quoi? C'est ne pas travailler ou travailler contre l'office du tourisme? C'est quoi? C'est en mode Mad Max? C'est quoi l'idée? 0820 203 200, on en parle dans un petit instant. On revient également du côté de la Martinique, cette fois avec les MDL des lycées Bellevue. Dans un petit instant, Mada, Guada, Yana. D'ici là, c'est Tijo derrière les platines. XOXO, my love is very special. If you want it, you can have it. But don't take me for granted. So much things I did not say. I'm from Portmore, that's in J.A. We can do it on that beach there. Back shot, somehow you got extra, forget me not. When it's sweet, yo, what you say? Fever, buy your punani. Wine for me, baby, everything crisp. My good love make you turn and twist. Fever, buy your punani. Wine for me, baby, everything crisp. My good love make you turn and twist. I got your two uncle dead. Some gals say they ready, but they're too bad for them, girl. what you too hard to them. When you see them up and you make a new plan for them, girl, turn up. Your body flexible, you know cranky, turn up. You know retarded, you know handy, turn up. You clean from your hair to your panty, turn up, turn up, turn up. Tell a girl, lego you make your body free, oh, free, oh. Your body hotter, your body no seasoned, no seasoned. Your head sicker when the liquor creep up. When you whine, every man in the affair free folk. Which fuck, your man, you know you a free folk. And any man you give a fuck a figure revoke. Hand to hand, some of them are queen folk. Foot to foot, them a musty revoke, girl. Any man where you fuck him a fist here. Some girl a fuck him and a no see him and a daddy, girl. Any man where you fuck him a fist here. Big and serious, I gonna hear you a fear. You better turn up and touch your two uncle them. Some girl a say they ready but they too bad for them, girl. Turn up and touch your two uncle them. When you see them up and you make a new. J'en ai vu de toutes les couleurs, surtout des rouges et des bleus. Je reparle, pas mal de pas en couleur. Fuck les matins Napoléon, j'préfère rouler ma bœuf. J'suis marié à la frite. La vie est plus belle à deux. Le gars m'a dit n'est pas dit. Je sors, n'est pas dit. Le mot. If you had a swing, I'm still too. If you had a swing, I'm still too. If you had a swing, I'm still too. If you had a swing, I'm still too. If you had a swing, I'm still too. If you had a swing, I'm still too. If you had a swing, I'm still too. Venez-moi tous à commencer, mais histoire là pas claire. Venez-moi non non tout monter parce que femme t'as la caplée. Et pour vous, qu'elle a chanté, c'est tout quoi qu'a fait ma. Mais c'est le dit qu'elle a manqué, mais ça qu'a fait peur. Peut-être aussi c'est ça qu'a pensé, mais ça va certain. Pour manier vous en effort, c'est pour bon, j'ai seul qui savent. Et pour la ligne au ciel, puis qu'a gardé, puis qu'a senti, c'est tout quoi qu'a mobile. Si c'est les vivants, c'est vous peut-être un jour ni en chance d'y dormir en braille. En braille. #GF7#TraceFM, merci d'être avec nous. Trace FM. Génération F7. Le soir, y a pas de génie. qu'est-ce qui vous arrive? Qui rigole? Qu'est-ce qui se passe? Moi. Tu ris comme un macaque. Oui. Pourquoi? Je voulais juste vérifier que tu avais bien ouvert mon micro parce que t'as l'air, c'était pas le cas. Mais ton micro qui est pas toujours ouvert, c'est une faute professionnelle. C'est de la censure. Je m'en excuse. C'est de la censure. C'est de la censure ou c'est de la protection auditive pour certains auditeurs. Je dis ça, je dis rien. On a des breaking news qui se préparent dans un petit instant. Il y a un petit élan là, comment dirais-je, de psychose en fait, un peu d'angoisse très très forte du côté de la Guadeloupe par rapport à une série de faits divers qui tournent autour du viol. 0820 203 200 également sur le net www.trace.fm. Vous exprimez hashtag G97 hashtag TraceFM. On va rigoler dans un petit instant avec du Hey Baby Hello. On a choisi le numéro, mais vous pouvez continuer à nous envoyer des cibles potentielles. 0820 203 200. D'ici là, en mode, comment on a appelé ça? Les anges de la lycée réalité. Ah oui, c'est ça. Karana, Karana, Nicolas, Nicolas, le lycée Bellevue, Bellevue, Bellevue. Ils sont deux MDL. Ils s'affrontent pour le pire comme le meilleur. Une seule MDL sera au pouvoir. À toi de choisir laquelle. Bonsoir Karana. Allô, allô. Hello. Ça va la forme? Putain, merde. Ça va. Attends, bouge pas. Je suis en train de réaliser que là, dans la chanson des anges de la télé-réalité, il y a un mec qui chante vraiment. Il y a des paroles et tout. Non, mais quand c'est en anglais, ça va encore, tu sais. Mais quand il chante en français, c'est bizarre quand même. En français, ça salit les oreilles. Ah, c'est bizarre. En anglais, ça va, ça le fait, tu sais. Attends, il va rechanter ou pas? Le refrain, c'est quoi? C'est en anglais ou en français? Qui c'est? Hugo, c'est ton truc. Non, non, non, c'est... n'importe quoi. J'ai demandé qui a le générique des anges de la télé-réalité. T'as dit moi. N'importe quoi. Alors, ça chante ou pas? Oui. Non. Ouais, c'est le refrain est en anglais. Bon, c'est pas grave. Karana, on s'est égaré un petit peu. Karana, tu représentes quel MDL à Bellevue qui est en pleine campagne électorale? Alors, je suis le porte-parole de la MDL One Time. One Time. Ok. Alors, parle-nous un petit peu de la MDL. Parle-nous un petit peu de votre programme. Parlez-nous de votre envie d'être au pouvoir et d'avoir envie de faire bouger la vie culturelle, sociale, créer du lien entre les différents étudiants au lycée Bellevue. On t'écoute. Alors premièrement, je tiens à rappeler que les élections au lycée de Bellevue seront le mardi 18 octobre au bâtiment 6. Donc pourquoi One Time? Voter One Time, c'est voter pour une jeunesse active qui atteint à l'universel. Notre motivation à nous est de permettre à tous les élèves de tous les niveaux, y compris les BTS et les prépas, de participer à nos manifestations et activités. Bien sûr, dans le respect des convictions tenues par notre établissement et ainsi avec moi. Nous avons beaucoup de nouveaux concepts à vous présenter. Est-ce qu'on peut avoir un petit truc un peu indiscret sur les nouveaux concepts? Parce qu'on est un peu curieux. Tu sais, nous on est un peu méfiants. C'est vrai que nous, ça nous concerne pas l'élection de ton... On utilise évidemment l'émission pour vous faire un peu mieux connaître, machin, etc. Mais l'idée, c'est comprendre, c'est que les gens font de moins en moins confiance à uniquement des choses qui sont dites en l'air, à ce qu'il y a du concret derrière. Tu vas me répondre oui, mais j'aimerais en avoir du concret en fait. Alors étant donné que beaucoup d'élèves de Bellevue doivent être en ce moment à l'antenne en train d'écouter, donc je dirais que la curiosité est un vilain défaut. Et par conséquent, je suis par le secret de ne pas dévoiler ce programme. Ça me rappelle une petite chanson, tu sais, que ma maman me chantait quand j'étais plus petit. Ça s'appelle Pirouette, cacahuète. Tu m'as fait une pirouette là, tu m'as pas répondu à la question. Bon, on va présenter ton adversaire, il est en face de toi. Il s'appelle... Nicolas. Nicolas. Nicolas. De la Suisse, évidemment. T'es con. T'es con. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va et vous? Bienvenue dans les anges de la lycée réalité. Merci. On t'écoute. Alors, pour présenter l'MDL, donc déjà notre MDL s'appelle Turn Up. Alors on a j'ai pas compris. J'ai pas compris. Essaye pas de te débarrasser de l'exercice. J'ai pas compris le nom. Notre MDL s'appelle Turn Up. Turn Up. Voilà, c'est des anglo-saxons. Celle-là c'est New Age, l'autre c'est Turn Up. Putain, c'est incroyable. On sait jamais, des fois que vous atterrissiez à Washington, c'est ça? Hein? Faut être prêt. Faut être prêt, quoi. Ou Washington nous tombe dessus, on sait jamais, tu sais. Si le président change là-bas, ça se trouve, ça sera notre président du monde entier. Hein. On t'écoute, Nicolas, vas-y. Turn Up. Alors, déjà, vous avez choisi ce nom. Qui s'est né en fait, déjà pour inviter tous les élèves du lycée à s'impliquer dans leur propre vie lycéenne, mais également pour mettre à l'aise les nouveaux arrivants, les secondes du lycée de Bellevue, mais aussi le lycée Schellcher, donc qui se sentent comme chez eux, donc venez avec nous, suivez-nous et jusqu'au bout. Ok. Est-ce que tu peux me prendre un point de ton programme, un truc qui te rend complètement différent de toutes les autres MDL qui proposent elles aussi un programme, ou pas d'ailleurs? Un truc qui va faire la différence, un truc qui... de concret, s'il te plaît. Attention, alors, je me prépare, pirouette, cacahuète. On a beaucoup d'événements, mais s'il y a un truc que je pense que tous les élèves vont particulièrement apprécier, c'est le tournoi de domino qu'on va mettre en place. Mais sinon, on a beaucoup de programmes. Donc on a, bien sûr, la journée des amoureux, de Cupidon, la journée de l'homme et de la femme. On a aussi créé une journée incroyable talent à Bellevue. Donc c'est toutes ces petites choses. En fait, on est vraiment dans l'innovation. On a vraiment pensé nouveau dans notre programme avec plein de petites choses et voilà. Alors et moi, ma question, c'est quoi le nom de la MDL sortante? Comment? Le nom de la MDL sortante. La MDL sortante. Ouais, c'est la MDL qui était l'année dernière. Madness, c'était Madness. Ok, donc vous souhaitez prendre la place de Madness. Non, mais c'est important de le préciser parce que soit on leur dit, ils représentent quelque chose ou pas cette année, Madness, ou ils sont complètement dissous. Non, en fait, les MDL sont élus pour un an. Donc l'an dernier c'était Madness, cette année on va élire le mardi 18 la nouvelle MDL d'une petite Bellevue. D'accord, mais ils peuvent pas se représenter en fait, Madness. Je dis ça parce que tu sais, ça dépend. Tu sais, nous, on s'intéresse. Ce n'est qu'une représentation en fait un peu de la vie politique à une échelle un tout petit peu plus petite. C'est-à-dire que si ça se trouve, il y a peut-être des Gabonais, tu vois, dans les MDL qui se réélisent chaque année. Le mec, ça fait 15 ans qu'il est dans le lycée. Chaque année, il se représente. Je sais pas. Mugabe. Tu vois, ouais, des Mugabe, tu vois, des trucs comme ça. On se dit qu'il y a peut-être des délires comme ça, quoi. Genre, en cours d'année, ils changent la constitution. L'année suivante, il n'y a pas d'élection, tu vois, des trucs comme ça. Donc c'était juste des questions que je me posais en fait. Non, ils sont par contre, il y a plusieurs membres de Madness de notre année qui sont impliqués cette année dans le MDL. Donc ils sont là, enfin ce sont des élèves du lycée, donc ils sont des traîtres. Non, pas des traîtres, c'est des nouveaux, voilà. Je taquine. Avec des nouvelles MDL, oui, bien sûr. Je taquine, les gars, évidemment. Ben, on vous souhaite bonne chance. Le verdict, c'est mardi. Alors, ce qu'il y a de rigolo dans ce genre de situation, c'est que vous, de votre propre chef, vous nous avez appelé, en fait, pour mettre un petit peu en avant ce que vous faites, qui vous êtes, machin, etc., en espérant avoir un bulletin dans l'urne qui vous concerne pour l'élection de votre maison des lycéens mardi prochain. Il y en a qui nous ont pas appelé. Vous croyez quoi? On va chercher votre numéro de téléphone, les gars. Tu vois, on va faire la campagne à ta place ou quoi? Eh ben alors, enlève-toi un peu les doigts des fesses, là. Et puis mets-toi au boulot, mec. Je sais pas, j'adore ces gens qui attendent que le pouvoir leur tombe tout cuit dans les mains, quoi. Bref, bonne chance, que ce soit Turn Up ou du côté One de One Time, Karana ou Nicolas. Vous avez le droit de pas citer les autres qui sont en compétition, de toute façon ils sont pas là, tant pis pour eux. Karana, Nicolas, bonne chance. Oui. On se tiendra au courant, et d'ailleurs, le gagnant, s'il vous plaît, soyez sympa, vous nous appelez mardi soir pour nous dire que vous avez gagné et quelle est la MDL en place du côté du lycée de Bellevue. Ok les gars, ça marche? Bonne chance les amis, One Time. Karana et Nicolas, c'est Turn Up. Bonne soirée les gars, ciao. 0820-230-200, on revient juste après Usher, No Limit. Y a du Hey Baby Allo qui se prépare et puis il y a de la question ouf aussi. Alors, Nessie, t'as avancé ou pas? Oui. Pourquoi la vache qui rit-elle? Pourquoi on la présente en train de rire? T'as une explication toi, Hugo? Ah oui, mais je crois que c'est la bonne, donc ça va énerver Nessie si je donne la bonne phrase, tu vois. Ça n'a pas tout, mais c'est vrai que... Un petit indice? Non. Pas Hugo. Bon, on va dire, y a un contexte historique spécifique. Oui, voilà. Voilà. Alors donc, on cherche ce soir pourquoi la vache qui rit... Rit. Oui, parce que moi je pense que c'est uniquement parce que c'est une marque et qu'elle doit être attrayante, c'est pas ça? Non, pas seulement. Ok, elle a fumé un truc avant? Non. Avant la séance photo, non. Le dessinateur était complètement défoncé. Non plus. Elle ne fait pas que manger de l'herbe. Ah oui, elle la fume aussi. Non, t'es sûr? La vache qui rit parce qu'en fait le photographe est à poil. Non, le mec qui l'a dessiné était à poil. Non. Et elle regarde son petit zizi. La vache qui rit pour nous faire parler. Non plus. La vache qui rit parce qu'elle est à moitié dans ton lit. C'est vache. C'est l'expérience qui parle, ça, Sabri. les vaches dans ton lit. Allez, on se fait un petit usher, on revient dans un petit instant, on les tracera tout de suite. Baby, you know that you fine. I'm just trying to make you mine. Trying to make you mine. Yeah, I'm trying to make you mine. Put a tingle in your spine. We got a vibe. We got a way. You should ride on it. All of the places I can take you, girl, is limitless. So if you've never been, girl, I would just love to take you there. You don't have to worry about a thing. I gotta let me show you better than. Cause I may not know you. Just let me hold you. You be my soldier. You from the north. Make it say, no limit, baby. Give you that black car. No limit. Just know when you roll with a nigga like me, there's no limit, baby. Make you say, no limit. I see my mind out of that. No limit, baby. La plus bonne qui est en tête. Nous sommes au public, plaisir, ça a mon reste. Cara. Les gens qui côté mon animal, à l'aise quand on fait mon côté. Roti gen pa chez qui ça a dégoûté. L'homme arrivé qui y a un truc à faire, on trappe gen pa chez qui a dérouté. Y'a bien fait tout ça, y'a les appâts, nous y'a bien c'est qu'il a cabal côté. L'homme arrivé à Haïti, tout le monde connaît ça passé. L'homme arrivé la Guadeloupe, tout le monde connaît ça pété. L'homme arrivé Martinique, toi j'savais qu'il m'aurait différentes équipes. A nous qu'à mener à Rue d'Empire et nous pas au fond de satanique. Ah, à la Isamé, tous les tests mais tout mal à Isamé. La plus boulée qui est pété en ton tête. Ouais. Fais mon public plaisir, ça à mon mec. From we are back when come. Allies amé. Amé. Pouvez tester, mais on malade amé. Ouais. La plus boulée qui est pété en ton tête. Fais mon public plaisir, ça à mon mec. Cara. All eyes on me, all eyes on me. Benda. C'est la zermi, c'est la zermi. Benda. J'suis dans l'excès comme pas permis. Oui. J'vais vous baiser, ça c'est promis. Mon dernier jeu sur j'ai numéro 1, toujours fait Igo, je la fais. Mais les gars, mon bas, mon frère, des étoiles qui me disent, je sais qu'elle veut que je la quête. Je vais t'arracher la face, tu vas planter. Y'a tellement de sous, je peux plus compter. Si je pars au charbon dans ta chair, t'inquiète que ma bise sera gantée. Bye, bon le jeu, t'as les bons de moi. 973, t'as représenté. Bouge, bouge, bouge, grenier. À la isamé, tous les tests, mais tout malade, ça m'est. Je prends la dalle, je suis pas gaffe. J'abonne toujours les mains côté. J'abonne toujours les mains côté. J'volais le goûter des enfants gâtés. Elle prend pas le cul, elle veut pas se régater le clito. Bendo na bendo. Tons comme un charo. Petit Nisa Loketo. Nisa Loketo. Donne-moi le tarot. J'fais pas de race, pas, t'es vraiment paro. T'es vraiment paro. Paris Saint-Germain. Ouais. Bendo, m'as tu dit charo. On part pour les choco. Maintenant, t'as même le tarot. T'as même le tarot. On paye pour qu'on t'arrose. Trafic NT et la parole. Trafic NT et la parole. On a la talement. La rue ça t'allume brutalement. Un démarche ou un véhicule allemand. Tu tires apparemment. Tu fais ça choralement. Pourquoi tu cries mon grand? Tiens, vas-y prends un calmant. Retour je suis yombe. Pour tous les frères qui tombent. J'ai jamais seul. Demande pas pourquoi derrière moi c'est sombre. C'est pas que je bombe, mais mes frères c'est mon ombre. Je suis barbe, je pose pas de bombe. Je veux pas l'enfer après ma tombe. Y'a pas de yo, donc je me braque. Faut bendo illico, gros y'a la bague. J'y vois net. Super héros, chacun Zulu, c'est pas bel mondo. Tu suces pour un loulou, tu quittes le bendo. On t'a jamais vu comme la Coa Colombo. Nique ta grand-mère de côté de ta mère avec la putain Mutombo. Génération 97. Le soir, y a pas de limite, y a pas de limite. 0820 203 200. Mada, Guada, Yana, vous n'avez plus le choix. Il y a la question ouf dans la radio. Ce soir, on cherche pourquoi la vache qui rit. Oui. Vos propositions 0820 203 200. Visiblement, Hugo a trouvé une piste. Ah oui, moi je pense que c'est par rapport à la Première Guerre mondiale. Exactement. C'est la bonne réponse ? Non, ce n'est pas la réponse. C'est une partie de la réponse ? C'est une partie de la réponse. Ça viendrait de le là. Le contexte historique, oui. Ok. 0820-230-200 si vous avez la suite de la réponse. On a des petits coucous à faire. Ouais, on a surtout des propositions justement pour la question ouf sur le web. Il y a Charlie qui dit « C'est normal, la vache, ça donne du lait. » Et c'est pour ça qu'elle rit. D'accord. On a Wachou à qui on va faire un petit coucou. Anaïs aussi qui nous rejoint. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Smartass aussi qui est connecté avec nous. Il y a Krakinette qui veut à tout prix que Yannick prononce son nom en lui faisant une dédicace. Mon. Allez, Yannick. 25 euros. 97. Vous savez que j'ai vu un artiste en interview qui faisait ça, qui faisait payer la photo avec lui. Non. À la fin du concert. J'ai déjà vu ça. Hein. J'ai déjà vu ça plusieurs fois. Hein. T'as, faut vraiment être en chien. Je sais pas. Mais justement, non, il est pas en chien. Parce qu'il doit faire pas mal de photos quand même, non? Je sais pas. Moi, je pense qu'ils essayent de prendre de l'argent là où tu leur en donnes pas quand tu achètes pas leur album et que tu le télécharges. Hein. Ouais, mais t'es déjà à son concert. T'as payé ta place. Voilà les breaking news qui arrivent dans un petit instant. Allez, Krakinette. Tu kiffes, Krakinette? On va tout rire. Tu kiffes, Krakinette? Tu kiffes, Krakinette? C'est bon? Ouais, je pense. Le contrat est honoré? On verra. 25 euros! On a du Hey Baby Allo qui débarque. Attention, c'est juste, mais juste, quand je dis juste, c'est vraiment juste après ça. On a choisi d'appeler Sandrine de la part de Katia ce soir. Restez là. Le Gangman, Trace FM. Japan Games et Yup Never Stop t'offrent ton nouvel iPhone 7. Ton nouvel iPhone 7 t'attend. Dès qu'il sonne à l'antenne, appelle le 0820 203 200. File-nous ta combinaison à deux chiffres et si elle est validée par Siri, c'est gagné tous les jours. Japan Games, spécialiste en jeux vidéo neufs et d'occasion à Jardiland. Et Yup Never Stop, l'unique, le seul Yup fabriqué chez nous, t'offre ton nouvel iPhone 7. Trace FM, premier sur l'iPhone 7. Plus d'infos, trace.fm. Les plus gros événements de cette fin d'année sont FM. Samedi 3 décembre, la Bubble Day débarque en Guadeloupe. La Bubble Day, 5 km de course à pied, avec des animations suivies en fin de journée d'un festival de musique caribéenne. La Bubble Day, de la mousse, des bulles, la plus grande baignoire de Guada. Toi aussi, rejoins la Bubble Zone. Ton passe pour t'éclater t'attend sur le Facebook. The Bubble Day Guadeloupe, avec Orangina, Peugeot, Simply CrossFit et Trace FM. Kennedy. Mister SM, en sonnerie exclusive sur ton phone. C'est maintenant et c'est direct sur ton mobile. Envoie Mister par SMS au 98000 et télécharge la sonnerie, l'alerte SMS ou le réveil. Mister au 98000, service édité par Access Interactive. 1,50€ plus coût du SMS, 2 SMS max. Samedi soir. Le son claque. Dans Urban Zone, 18h, 21h. Urban Zone. 3h pour remonter les 3 classements de référence. US. Le top 20 des hits américains de la semaine. Le hit jamaïcain. Le classement des 20 hits les plus joués en Jamaïque cette semaine. Et entre 20h et 21h, le hit local. Tes 20 plus gros sons urbains préférés de Mada, Guada et Yana. Samedi soir, viens prendre du gros son dans Urban Zone, 18h-21h, sur Trace FM. Warcraft, le commencement. Notre planète recèle des mondes cachés. Notre monde se meurt, nous sommes condamnés à partir. Des peuples que tout oppose. Pour les orques, la vie, c'est la guerre. Et qui doivent s'unir. Nous devons lutter ensemble. Warcraft, le commencement. Deux mondes, un seul destin. La saga la plus spectaculaire de l'année arrive, actuellement au cinéma. FM. Génération 97. Génération 97. Ici, c'est la libre antenne des auditeurs. On est de retour à suivre. On aura du sexe confessionnel tout à l'heure avec Lilou. On va parler de quoi, Lilou? Alors, on va parler de ces messieurs qui finissent trop tôt. Ah, ouais. Hein, 20h24 aux Antilles, 21h24 en Guyane. Résolument, il n'y a pas qu'une seule heure de décalage avec la Guyane. Il y a plus de temps de décalage que ça. L'émission a démarré depuis 1h24 déjà. Bienvenue parmi nous, les loups. Ouais. Merci. Le meilleur pour la fin. Elle est là. Ça veut dire que si on se réfère à l'horloge des Antilles, en fait, tu as 1h24 de retard. Si on se réfère à l'horloge de Guyane... Tu as 24 minutes de retard. Non. Mais c'est elle pas a le... 2h24 de retard. Bah oui. Il y a 1 heure de décalage avec la Guyane, mec. Non, mais d'ailleurs, elle a 1h24 de retard. Dans les deux cas. Oui, en fait. Mais sauf que on peut faire chier. C'est le retard entier. Non. Oh là, en Guyane, ça vaut rien. Hein. Et puis même, tu vas te le garder, ton retard. C'est ton regard lilleux. À la limite, elle aurait pu nous dire, les gars, vous savez quoi? Je suis sorti là, franchement, j'étais sur boulevard Lalouette. Il était 14h, j'avais toujours pas fait ma sieste. Il était 15h, je suis passé à Célio, j'avais toujours pas fait ma sieste. J'ai fait ma sieste à 16h. Là, ça aurait été tenu la route. J'ai même pas fait de sieste. Non, t'avais un problème avec ta voiture. Tu sais pas comment je sais ça? Il y a un mec qui est venu réparer pour toi? Oui. T'avais pas d'argent? Si. Bah si. Mais je sais pas, t'as des traces de cambouis un peu partout. On a payé en nature. Non, c'est pas ça, c'est que quand tu... Ouais, c'est bon, allez. Alors attention. Attention. Il a fallu pousser la voiture pour la refaire démarrer. Là où c'est intéressant, c'est quand on va lui demander c'est quoi le thème du sexe confessionnal, tu sais. Et qu'elle va nous répondre, alors... Payer pour obtenir quelque chose. Coquépounille. KPN. Mais non. Mais en fait, si tu veux, le monsieur a dégueulassé mon volant en poussant la voiture pour, tu sais, réinjecter le gasoil dans le moteur. Il fallait pousser la voiture et du coup, il utilisait le volant pour se diriger et ça a dégueulassé. Putain, mon d'accord. Coup, t'aurais vu le regard de Keshi pendant qu'il était en train de dire le diesel, l'injecteur et tout. Keshi, il était là dans sa tête en train de dire. Tu sais, en train. C'était 5 minutes coquine avant l'heure, lui. Quand on aime les moteurs, hein. Ah. Quand on aime que ça tourne rond, hein, que la mécanique soit bien huilée, que quand tu mettes la clé dans le contact, ça démarre tout de suite. Tout de suite, hein, que le moteur ne cale jamais, que le ralenti soit impeccable. Pourquoi j'ai l'impression qu'il parle d'autre chose, en fait? T'as un message à faire passer? Moi, j'ai juste un truc à dire. On avait un putain de canular ce soir, quoi. Putain, ça m'énerve. On avait un putain de canular ce soir. Pourquoi tu reviens sur ça? Parce que, en même temps, je vous dis de pas me parler de ça parce que ça m'énerve. Mais justement, c'est toi qui en parles. Eh ben, c'est ce que je vous explique, c'est que si à un moment ou à un autre ça sort pas de moi, ça va rester à l'intérieur de moi et je vais me choper un truc dégueulasse, tu vois. Mais tu es pas obligé de les laisser sortir ces trucs-là. Je suis pas obligé, mais j'en vis. Donc, nous avions un putain de canular qui était paré. Ouais. Ok. Hier soir, on a pris les accords de la maman qui était complice. Oui. De la fille qui était complice. Oui. De la sœur qu'on a piégée hier soir qui était d'accord pour piéger l'autre. Elle a dit, oh, c'est ma petite sœur d'amour. Mais d'accord, vous pouvez le faire. Ça marche. On avait même le fils Mathias de Vanessa qui était prêt. Il a dit, c'est ma tati adorée, vous pouvez le faire. Je pense que ça doit faire environ 45 minutes ou 55 minutes qu'ils attendent notre appel. Mais nous sommes au regret d'annoncer que Keshi a perdu le numéro de téléphone. Vos numéro de téléphone de toute la famille. Oui. Pas qu'une seule personne. Parce qu'il avait noté un seul endroit. Comment et il sait fait pas ça où c'est. Ouais, il sait pas où c'est. Keshi avec sa tête en l'air en fait. Donc concrètement, on est là en train d'espérer que le canular arrive. Keshi a égaré le numéro de téléphone comme si Jean c'était pas la priorité du soir quoi. Christelle, si tu as des unités, fais-nous signe. Vanessa, s'il te plaît. Maman Vanessa et maman Christelle et maman Béa. Béa, non, Vanessa non, c'est celle qu'on piège ce soir. Merde. Ouais, donc ouais, tu... le décalage de la Guyane. Visiblement pas qu'horaire. Appelle-nous, s'il te plaît. Je sais, Keshi, il fait du mieux qu'il peut. Il faut pas... Putain, je suis déçu aussi. Sur son t-shirt, il a écrit « Sometimes ». Ça veut dire « Bon, parfois, je peux faire les choses bien ». Non, « Sometimes », ça veut dire « Souvent », quand même. Hein. C'est pas « Parfois ». Non, parfois, ça serait peut-être plutôt... Non, often. C'est parfois. Ah ouais, c'est vrai. Souvent, c'est often. Often, ouais. Putain, j'ai pris une leçon d'anglais. Often. Et en allemand, ça se dit à peu près pareil. Hein. Putain, j'ai pris une leçon d'anglais ce soir par Nissi. Vous avez vraiment envie de m'énerver ou quoi? Oui. Déjà, Keshi, il fait pas le truc. Sometimes. Mais toi, en plus, tu me reprends devant les gens. Sometimes... Mais au passage, chanter d'autres bêtises. Mais au cas dit Chris Brown. Chris Brown. Ah, où il avait dit. Où il avait enfin dit 6 mois après. 6 months later. Tu couches avec un bilingue, c'est quoi? Ou c'est Dora? C'est Dora l'exploratrice. Dora m'a aidé. On est en mode allez, hey baby hello. Hey baby hello. On appelle Sandrine de la part de Katia. Tu pop un peu quand tu fais du beatbox toi. C'est le non, pop. Bon, on appelle ou quoi? Un petit coucou à Cassandra, je sais pas. Franchement, honnêtement, tant qu'à foirer la soirée, il se dit, bon ben, on avait un canular qui était bon, on avait un Hey Baby Allo qui était bon, pourquoi pas foirer aussi le Hey Baby Allo? Merci Keshi. Putain, on a failli attendre. Allô? Allô? Allô? Allô? Qu'est-ce que t'as fait encore? Qu'est-ce que t'as foutu? Le gars est relou. Putain, il est super méga relou. Allô? Hey baby, allô? Allô? J'espère que je vous dérange. Comment? J'espère que je vous dérange. C'est qui? C'est pas moi. C'est pas moi. J'ai la solution à mes problèmes. C'est problème, hein? On s'est défogué au con, piranha. Rappelle-la, putain, Keshi, je te jure. Tiens-toi à carreau, mec. Je te jure. Non, baisse ton regard sur moi. Keshi, baisse tes yeux sur moi. Mec, fais profil bas ce soir. Rappelle le même numéro. Le même numéro tout de suite, s'il te plaît. Est-ce que tu es sûr que c'est le même numéro? Keshi. La gara, quoi, je mets pourquoi tu... Est-ce que tu es sûr... Keshi. Keshi! Tu vas arrêter de nous chier dans la colle, hein. Allô? Hey baby, allô? Oui? Putain, c'est chaud. C'est qui? Ah bon? Oui? Ah bon? Mais c'est qui, allô? C'est pas moi. Ah bon, eh ben, comme c'est mon téléphone, mais comme je ne sais pas c'est qui, je ne vais pas continuer à parler avec quiconque. Maman, maman! Tu vas m'enlever tout de suite ce sourire de sur ton visage, Keshi. Tu n'es pas sorti d'affaire. Tu recomposes le même numéro de téléphone tout de suite! Et si ça répond pas, tu es dans la merde! Tu dis chef? Oui, chef! C'est pas parce que c'est un peu drôle que c'est complètement drôle! Tu dis chef? Oui, chef! Keshi, ne me fais pas te donner un code in words là tout de suite. Et si ça répond pas, tu payes à boire pour tout le monde. Et à manger. D'accord, de l'eau pour tout le monde. Chef? Oui, chef! Non, moi! Keshi, tu vas prendre ma godasse putain dans la gueule. T'as pas une ceinture d'habitude, c'est avec une ceinture. Pas une ceinture, voilà. Le gars enlève vraiment sa ceinture dans la radio de la personne. Qui ça, c'est pas par moi? Alors là, il y a des questions qu'il faut pas poser. Des fois que tu es la réponse. Alors, bon, non, par contre, fais le tour parce qu'au niveau des écrans, tout ça. Chef, oui, chef. Yannick, il y a des ordinateurs. Chef, oui, chef. Attends, je fais un snap. Aïe, putain. Ça a failli le prendre celui-là. Chef? Oui, chef. Attends, je fais un snap. Ne filme pas ça, ça peut servir de preuve. Arrête. Tu veux prendre des coups d'annuaire dans ton visage? Non, quoi, vas-y, c'est bon, je filme. Chef? Oui, chef. Oh. Chef, oui, chef. Vous prenez quand même. Recompose le numéro de téléphone. Ne t'endors pas sur tes lauriers. On y va. C'est bien ça, tu vois. Quand je demande un numéro de téléphone, que je veux que ça sonne, ça sonne. Tu vois, c'est ça que j'attends de toi. Merci. T'as à décrocher par contre. Parce qu'on dit ça là. Hé, hey, Keshi est parti. Ça pas à décrocher. Votre correspondant n'est pas... Keshi. Une dernière fois, s'il te plaît. Écoutez ce bruit du cuir qui a bien travaillé. Aïe aïe aïe. Tu entends ça? C'est pas une caporale mais... Alors attention, je vois déjà les haters débarquer sur les réseaux sociaux en disant « Mais pour qui se prend ce chabin pour un béquet ?» Il croit qu'il est le colonialisme est toujours en place, alors c'est comme ça. Eh ben oui, c'est vraiment ça. Je suis juste en train d'essayer de donner un cadre à un gars avec qui j'adore travailler, mais qui se contente de peu. Tu peux recomposer le numéro de téléphone, s'il te plaît, Kashi ? On me donne des coups de ceinture. Je ne t'ai pas encore donné de coups de ceinture. L'esclavage, c'est fini. Je ne t'ai pas encore donné de coups de ceinture. On porte plus les chaînes. Toi, le collier que t'as, vu le gabarit, tout d'autres monde, c'est en chaîne pour tracter, on tractait, hein. J'ai dit ça, j'ai dit rien. Tu peux composer le numéro de téléphone, s'il te plaît ? Si ça, les pompas, tu le frappes ? Merde, ça s'est senti que j'étais heureux. Alors on a un sado dans la pièce et on a un maso malgré lui. Votre correspondant n'est pas joignable. Vénéo, rapproche-toi. Attends. Rapproche la main. Exprime-toi librement dans Génération 9-7 sur Trace FM. Yo, tu te cannes, ouais, t'as là. T'as là son spécial dédicace, pas tous les Caribbean girls qui se placent là. Femmes qui s'awine et se sont à basse là. Adme de balle, si y'a plus les là. Mais pas easy. Quel monde est déclenché une attaque physique. Don't she wine, she a mash up me head. Des capliers sous body pour une physique. Et il peut faire dans tout sens multifonction. Girl, suivez-moi par une option. Girl, she ride it slow. Moi savais qu'il y a action time. Il est modou vint au champion boy. Girl, mon rêve est au flyer, ouais. Passe à tous les mots, j'en vois un tour. No girl, mais la relève, you know. Passe tonight, mon rêve est au flyer. Moi que fait au flyer, ouais. Trop ça moins capable, j'en ai qu'au carré, mais rien au serment au cap. Comme on met mal tête, ou pas fais-moi péter y'en cap. C'est pas taille mannequin, offre un jeu, pour les permis poils. Le poupée fait planer dans un ciel, là. Poupée fait planer dans un ciel. Parce qu'il y a un autre badge, qu'on vit qui. Je comprends moi y'en vaut chance, ça fille oui. Caribbean, yeah. I'm just a body with me, bad girl. Hey baby, love it when you whine for me. You tell me what you want, baby. I'm a loving what you have, baby. Bust a wine for me, dilly like a bike round the corner. Pump back a cup, get the right sweet jam, uh-huh. If you love the right, me turn it up like a sauna, uh-huh. Hold up on my body and set it, set it. Broke off my back, yeah. Set it, set it. Waistline a world, no. Set it, set it. Hold up on my body, hold up on my body. Them love how me set it, set it, set it. Bend it and set it, set it, set it. Roll and set it, set it, set it. Watch how me set it, set it, set it. Soldier, deal with that, make the boost take you over. And the ball, you not care if you're sober. Set it, bend it and set it, set it, set it. Roll and set it, set it, set it. Watch how me set it, set it, set it. Boy, set it, set it, set it. Set it, set it, set it. Roll and set it, set it, set it. Watch how me set it, set it, set it. None of them pussy there, pussy there. None of them pussy there. None of them pussy there, pussy there. None of them pussy there. Can't call Mr. Palmer in Farmer, send him to the bar. Cartel, you go get murder like your father. Real life war on the rada. Me never kill a barber. But if I saw a store, rise the lava. Be a bad man named Palmer. Tristan, walk off and be a lad. What do some pussy with a cigar? Like keep a few years. Me say, come on, I'm a rookie rose. So when you see them, how we name them, make it rich. but to wear. So we go till in go up a put here with a share. Burn up a grass fight, we no response, we no care. And we no mini boss, so we no need fi carry fear. Bag a mouth a chat, bag a mouth a chat. We break a we no cake a we no never be good fat. We no listen to what that, who no say a do with that. Me man a call them apple cause I'm at them come a man. So no give me no chat, no give me no chat, no give me no chat. And if me need fi make a search, can I just give me the mopla. So no give me no chat, no give me no chat, no give me no chat. And if you listen, if you turn, boy, I feel the black. So no give me no chat, no give me no chat, no give me no chat. Freestyle à la paix, papa, puis vois ta tête qui bouge. Freestyle à la paix, papa, puis ta femme bouge aussi. Ipani non mais à capri, vois ta tête qui bouge. Freestyle à la paix, papa, puis ta femme bouge. Blima des mains, blima cabé, ma sali nanana. Mon anapsi nanana, mon bout de chalet, con nanana. Il va viser nanana, c'est nanana, ça va bien, t'es nanana, du crier fort. Freestyle à tout mon nanana. L'œil va les mousser, le mollet, on va les dire nanana. Je chape et galiche nananana. Faut pas y ni nanana, c'est nanana. M'en passe à paille d'un con nananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan son c'est mon d'accord K.O. Mais j'ai fait semblant à l'autre mon j'ai pas donné moi mais il dit blanc qu'est pas dans jambes. Le récit à la nef sous-x m'en passe à fucking non mais non il sait un bordel génétique qu'on capri comme on est bien bien sous les brins n'ayant l'aise c'est pas ça qui plie devant jambes mais dit que Kirikou n'est pas grand. Ouais. Mais Kirikou qu'a mangé un m'en va bien si j'ai bois si tu es qui qu'a fait dans le tournant. Mais m'en va cassé répondu que par moi musique c'est un droit. Ou parlez moi dit Beyond c'est ma tonne. Peggy la cochonne mais si le toit il dit m'ka plaît moi ma cao. J'ai mordé un prix mordé moi plaît mon cabaye en passade nananana. Mon nom c'est nanana mon debout dans les grands nananana. Il va viser nanana c'est nanana ça va perdre nanana. Du cri des fucking freestyle en chaud mon nananana. L'œil parle moi seul mon lien parle dit nanana. Chaque lèvre essaye de chaper il a les chaînes nanana. Faut pas y ni nanana c'est nanana m'en passe à bail donc on nanana nanana. Mais c'est pas joué en travail, mais pas dit, la ligne en boulot. Mané, il va trop battre, c'est malé, il s'allie en chilote. Y'a dimension bien lui, mais c'est pas ni en lui. Y'a la magie, mais vous belle qu'on fout, qu'on flaire, qu'on raide. On fait le regard et qu'on fout, qu'on dingue, qu'on yenne. Et y'a ça vous que t'en moi on joue, en kaken, kaken. Et y'a que mon cœur pas qu'il l'amour. Admiral Chill qui prépare son Bercy qu'on appelle plus comme ça, on appelle ça le Accor Arena Hotel. Une salle énorme et un concert qui s'annonce tout simplement énorme. Ça sera fin mars. Il y aura STLB en première partie d'ailleurs. Ouais, et en plus, il y a un gros casting qui est lancé également pour être les danseurs officiels de ce gros concert d'Admiralty qui se prépare. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Merci d'être avec nous, la radio est libre. Ici, c'est la libre antenne des auditeurs. Génération 97. Martinique, Guyane, 100% radio libre, tous les soirs sur Trace FM. On se prépare à faire du discutable talent tout à l'heure. Il s'appelle Jesus Break. Ouais. Ou Jesus Break, je ne sais pas. Bonsoir Jesus Break. Break, break, break. Break, break, break. Ok, ok, ok. Ça va? Yeah, yeah, how are you, sir? I'm fine, thank you. Everything is alright for you, man? I'm fine. Okay, woman them girl them sugar right, okay. Okay. No take it for the personal, no at all done. Ça va? Allô? Cool? Oui, tu m'as dit quoi? Moi, je pense pas bien, moi. Mais même moi, j'ai pas compris ce que j'ai dit, mec. Bon, alors, concrètement, t'es là pour du discutable talent. Tu vas nous mettre en avant ce que tu sais faire de mieux, en espérant déclencher le public, en faisant en sorte qu'ils kiffent ce que tu fais. Ils sont les seuls juges, les auditeurs derrière la radio. Ils te disent franchement ce qu'ils en pensent, sans filtre. C'est tout à l'heure, le discutable talent. Okay, et d'ici okay. Là... Mais c'est quoi ton talent, d'ailleurs? C'est quoi ton talent? Alors, moi, je fais du trap. Du trap? 2010, c'est du trap. Alors attention, il faut nous dire hein, maintenant, parce que maintenant, tu sais, nous on fait trace urbaine, on fait trace tropicale. Donc déjà pour trace tropicale, c'est un peu compliqué le trap, tu vois. Donc on fait trace urbaine et on fait trace gospel. Si tu appelles Jesus Brick, tu fais du trap gospel? Jesus Brick. Non, pas du trap gospel du tout. Ok. Du tout. Bah on va découvrir dans un instant. Oui. En attendant, il y a de la question con. Alors, pourquoi la vache qui rit rit-elle? Est-ce que vous savez pourquoi on la présente tout le temps en train de rire? Apparemment, on sait de quelle période ça vient, mais on ne sait pas exactement quoi. On a François qui nous rejoint du côté du standard. Bonsoir François. Oui, bonsoir. Ouais. Attendez, je baisse ma radio. S'il te plaît, ouais. Je baisse ma radio. Non putain, on voilà. Entend en double. Alors François, c'est quoi ta réponse? Voilà. Alors j'avais une idée farfelue. C'est par rapport, vous voyez, Hitler. Maman. Oui. Les soldats d'Hitler et tout ça. Les Aryens. Voilà, et tout ça. Les SS, tout ça, machin. Pendant la guerre, voilà, l'ISR de Staline et tout ça. Et donc, à ce moment-là, ils étaient en train de traire la vache. Et là, parce qu'ils n'avaient pas d'eau. Mais ils voulaient du lait. Pour leurs os et pour aller au combat. Pour être plus résistant. Ça, derrière la vache. Et ça faisait rire la vache parce qu'elle disait « Ah, parce que tu crois que tu vas pas mourir, connard !» Putain, alors tu sais quoi? Tu es le premier psychologue pour vache que je rencontre, mec. Alors c'est incroyable parce que tu viens de nous réinventer l'histoire. Je ne sais pas si c'est la bonne version. Ce n'est pas du tout. François. Ce n'est pas la bonne réponse. Désolé, mec. Désolé. Oh. Hashtag G97, hashtag TraceFM, est-ce qu'on peut avancer un tout petit peu plus dans l'explication? Oui, alors pendant justement, alors là il a parlé de la Deuxième Guerre mondiale, là il s'agit de la Première Guerre mondiale. Ouais. Et ils ont choisi la vache qui rit, pour quelles raisons selon vous, dans le contexte historique donné? À l'époque, Première Guerre mondiale, qu'est-ce qui ferait qu'on ait choisi une vache qui sourit en fait? Déjà en contexte de guerre. Est-ce qu'on sait déjà pourquoi ils ont choisi une vache comme emblème? Oui. Est-ce que ça fait partie de la réponse? Oui. Ah merde. Ça aurait été cool comme indice. C'est vrai. Parce que au-delà de savoir pourquoi elle rit, ça serait bien de savoir d'abord pourquoi c'est une vache. Peut-être que tu pourrais nous aider quand même. C'est du fromage de vache. Tu penses que ouais, c'est par rapport aux produits laitiers? Ouais. C'est vrai qu'elle est représentative du fromage de toute façon. Parce que je pense que peut-être que le même mec qui aujourd'hui fait les enquêtes en disant aux femmes sur Facebook, tu sais, avec son enquête, buvez du sperme, c'est bon pour la santé. Le gars, en fait, c'est à l'époque, il n'avait pas les réseaux sociaux, tu sais, tout ça, donc il s'est dit, bon, ben voilà, on va faire croire que le lait, c'est bon pour la santé, ou un truc comme ça, et que la vache, elle est en pleine forme et qu'elle sourit, non? Non, pas du tout. Bon, ben on n'a toujours pas la réponse à la question con, alors 0820 203 200, également sur le net, www.trace.fm, on n'a toujours pas la réponse. Non, pourquoi est-ce qu'on l'a toujours pas? Pourquoi tu la balances pas? Je la balance? Ben oui, ils n'ont pas trouvé, attends. D'accord, alors on y va. Donc en pleine Première Guerre mondiale, montrer une vache souriante, c'est mettre un peu de baume au cœur à ses consommateurs. Waouh! Et... Ah, c'est la guerre, c'est pas bien! Si on me montrait une vache qui sourit, et... ah, je vais mieux! Et pour narguer justement les Valkyries, ce sont des figures mythologiques, et en plus c'était l'emblème de l'armée allemande. Ouais. Donc, vache qui rit serait simplement une traduction de Valkyrie. C'est un jeu de mots, en fait. Pour se moquer des Allemands, en fait, ils ont dit, ouais, vous avez les Valkyries, nous, on a les vaches qui rient. Ouais, voilà. Ça fait peur. Hein. Ils ont baptisé la vache qui rit. Ça remonte le moral des troupes. Putain, l'humour à l'époque. En réponse, justement, à l'emblème de l'armée allemande qui était les Valkyries. D'accord. Et nous, on a une meuh. Et après, donc, ils ont créé l'autre fromage qui rit encore plus. Hein? C'est dérivé, tout ça. Tout ça, c'est dérivé. Mm. Ok, donc ça vient de là, en fait, à l'origine. Milka, la vache violette, tout ça. Putain. Franchement, le publiciste de l'époque, putain, s'il avait su qu'il avait une idée en or comme ça, il serait encore vivant, je pense. Ça marche encore. Il aurait acheté son petit caisson cryogénique, il serait dit, bon, je vais toucher ma thune jusqu'au bout. Hein. Bref, hashtag G97, hashtag TraceFM, 0820 203 200, également sur le net, www.trace.fm, par texto, vous envoyez trace suivi de votre message au 97 000. La suite, c'est du discutable talent, on revient tout à l'heure avec la hotline des cocoteurs. Est-ce qu'on a déjà une idée du sexe confessionnal de ce soir? Oui, bien sûr, alors on va parler de ces messieurs qui finissent trop tôt. Les précoces. Ou bien les précoces madame a été trop performante et ça a duré 2 minutes. Ouais, mais c'est précoce ou c'est les mecs qui font leurs affaires et qui ensuite se barrent parce qu'ils en ont rien à foutre. Ben, t'as cette version-là, t'as la version « Je m'endors et je ronfle ». Un peu moins glamour. Il a essayé de t'aider, hein, quand même. Hein. Il a essayé de t'aider. Non, on parle de ceux qui finissent vraiment trop tôt dans l'acte sexuel. Donc, c'est donc bien les précoces. C'est ça. Ok, ça marche. Hashtag G97, hashtag Trace FM. On revient dans un petit instant. Voici TKMJ. Son, Big Bad DJ. Oh oh. Oui, enfermé, yo. Fais moi passer pour t'y nègre. Pour t'y cerner, yo. En ces volants sont pirates. Yo pe pas berner, moi. Yo pe pas cerner, moi. Ouais, c'est mes c'est des tirates. Casse sous ses oreilles, au chien. Manque pelleté, yo. En ces volants sont pirates. En ces volants sont pirates. Blanc à montant qu'à songer, mon n'a sa carotte, moi des coups. Yo dis-moi Jordan qui arrive où. Ou pas chanter à métro. Yo vais faire passer pour Tinek. Qu'elle veut ou pas dit qu'on ça avant. Parler sur ses du pas bon tirat. Pas rentrer en temps à copinage. Moi en fermé yo. Enfin moi passer pour Tinek. Moi t'es cerné yo. En ces volants sont pirates. Yo vais pas berner moi. Yo vais pas cerner moi. Ouais c'est mes c'est des tirates. Zoa ou chien, manqué pelleté yo, en ces volants sont pirates, en ces volants sont pirates. En pas besoin yo, en pas besoin zami, moi bon Dieu à nous dénoncer en gang. Tant qu'elle veut la famille, ou j'a savent c'est one man gang. En juin chité, on veut Valentine, suffisant pour en retourner con avant. Gardez à l'entour, ou le gap gardez combien moun ka attendre chute en haut. Le gap zami famille ou la pour faire saut. C'est mais c'est pas très important qu'est à yo. Paris est fait au mêlé yo kabaudo. A pas y'a de bon qui ka saut en gel à yo. A pas jadou pas fait yo confiance. Yo peke vio ou monte piski yo. Gardez à l'entour, ou le gap gardez combien moun ka attendre yo. Passer pour Tinek, pour t'es cerner, yo, en ces volants sont pirates, yo peux pas berner moi, yo peux pas cerner moi. Petit Kamji, sur Trace FM dans Génération 97, on revient dans la prochaine demi-heure avec du sexe confessionnal, la hotline des cocoteurs. Il y aura aussi l'iPhone, il y aura un autre signal iPhone 7 et du discutable talent également. Il s'appelle Jesus, on découvre sa musique dans un petit instant, bougez pas, on change de tempo d'ici là. Restez avec nous, ça arrive. Cette semaine, Trace FM, le Crédit Agricole et Yop Never Stop t'offrent ton nouvel iPhone 7. Ton nouvel iPhone 7 t'attend. Dès qu'il sonne à l'antenne, appelle le 0820 203 200, file-nous ta combinaison à deux chiffres et si elle est validée par Siri, c'est gagné. Tous les jours. Le Crédit Agricole Martinique Guyane, toute une banque pour vous et Yop Never Stop, l'unique, le seul Yop fabriqué chez nous, t'offre ton nouvel iPhone 7. Trace FM, premier sur l'iPhone 7. Plus d'infos, trace.fm. Salut petits et grands, ils reviennent pour le plaisir de tous. La Reine des Neiges, Olaf, Anna, Elsa, Christophe seront tous là pour un show féerique, en couleur, avec des effets spéciaux à couper le souffle. La Reine des Neiges en spectacle vendredi 28 octobre, 17h, et samedi 29 octobre, 15h et 17h, au Grand Carbet du Parc Floral. Billets en vente à Roots Air, Sainte-Marie, Pony Galeria et Pony Rivière Salée. Il neigera de nouveau au Grand Carbet, en partenariat avec France Anti Junior, info 06 696 19 85 48. www.trace.fm. Trace Tropical et Stonehouse Events présente l'événement le plus attendu de la Caraïbe. L'ex-président d'Haïti Michel Martelly alias Sweet Mickey est de retour avec un live exclusif à Saint-Martin. Un concert historique en artiste invité Jade, Oswald et de multiples cadeaux à gagner. Prévente 30 euros, disponible chez bisou.com, 50 euros à l'entrée. Infoline au 06 27 93 70 71. Sweet Mickey en concert. The President is back. Le 22 octobre au Carnival Village de Saint-Martin à partir de 20h avec Hypnotic Gentleman Club, St. Mace Enterprises, Chippy et Trace Tropical. 3 heures de libre expression. Génération 97. La plus grosse libre antenne des Antilles Guyane sur Trace FM. T'attends quoi? Débarque au 0820 203 200. I want you to want me too. You're one on one. I wanna go one on one with you. Back to the front with you. Don't let them make you regret it. They'll be fake if you let them. Don't let them make less out of something that means so much to you. I wanna make you feel comfortable. Girl, you know I fuck with you. Like summer school and Lunchables. We the untouchable, yeah. You don't have to suffer, no, yeah. I was made custom for you. Only give my love into you. You my only one. You my number one. You're 101. I wanna go one-on-one with you. One-on-one. And I want you to want me too. You're 101. I wanna go one-on-one with you. Take the thug in me and put some in you. Now you wearing bandanas, rocking your man's flannels. Flight to Dubai, gotta pop a Xanax. Me no love for them body boy antics. Gon' make me you pour choppers out the attic. I'm a savage, straight savage. Yeah, they laughed at my dreams of living. I'm a sucker for pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. Question from the man, God, it's all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dog. 10 toes down, dog. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire. Like who gon' try us? Feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders. I told you, mon frère qui l'a dans la fuite. Mon bagot parmi fuyant. Mon rêve c'est mettre le feu là. De ton petit ton pic la radio cabaye. Ton tes points plein de gaffe. Mon frère qui l'a dans la fuite. T'as la pomme qui fuyant. Mon rêve c'est mettre le feu là. De ton petit ton pic la radio cabaye. Ton tes points plein de gaffe. Ça rabaille rendez-vous sans pénitencier. Si même pas nous semi-liberté, permission, refusé, mon client, rien nous pas préfet. Surtout là, y'a ta l'honne pour pousser. C'est bête à la capable au mal tête. Trois fois battre, y'a pas réussi son pis. Surtout l'homme à gagne, tu pour la tête. En camane, disait Tyrène, hé, hé. Pour son friend qui l'a joué, la fuyo. Pompi, DJ, fuyo, man. Mon rail, j'ai mété le bel à tout. Ton petit, ton petit, radio, papa, y'a ton épaule, la carrière. T'es pas là, barrez-moi, dis-moi, ton niveau, c'est la peine. Puis ça fait pour moi l'argent comme plus mineur. Puis tête matin, tout va la pote. Regardez chami, y'a besoin de la knee-up. Y'a décidé que c'est moi qui vend d'op. Fouille, fouille, pas les piglops. Montrez-moi une photo, on va connaître ça. Ou j'en connais nous, même nous pas des lance-bas. Ou parlez pas les garçons. Allez dormir la nuit de la débarlisson. L'occasion, je veux vous mettre moi ginger. Ginger. Police la vie, comment t'as fait comme ça? Mais t'es pas là, parlez-moi, dis-moi, on y pense, c'est la peine. J'ai là, mais je fais pas la moelle, là, je veux pas plus vite. Ok, ok. Brandy Gala, mais ça vous décline, Gucci-né. Brandy Ride Dog, mais t'es déjà Gucci-né. Mais non, ma ta gale, calouine, n'a Gucci-né. Clean Gucci, mais y'a un don de Gucci-né. Gale, y'a pas de look good, but y'a Gucci. Génération 97. just some time. This a girl on the one game one. After that, him come fool them. Like if we tell a fight over man, and everybody knows that we are near brand. When me a wine, me give the wicked Islam. So me sorry for the girl, them out there when I'm the clam. Pity don't you broke me love, my guess I need that. Girl, brother, did what I want, she a idiot. Me put it on a penny more man, tell him to pray that. If you know say me no regular, come here, I won't hear that. Oh, oh, oh, you are girl and a fight over. Fight over man, from a little bit of just some tan. This a girl on glow and game one. After that him done fool them, just get the bomber. Type is who tell a fight over man. And everybody knows that we are near brand, yeah. When me a wine, me kiddo in kiddo Islam. So me sorry, see a couple years younger, but she better than a mother though. Better than a mother though. She got her own, she don't need no tickets. She get it, yeah, she got it, so you know I had to get her. She my NYPYT. She my NYPYT. She my NYPYT. She my pretty young thing, and I do anything for her. Trace FM. Génération 97. Génération 97. La libre antenne des auditeurs. On est en mode discutable talent avec Jesus Brick. Jesus Brick, c'est il fait de la musique. Franchement, honnêtement, rien que son pseudo, déjà, il m'intrigue. On écoute ça dans un petit instant, mec. Le temps qu'on mette ça en place. Tu fais du trap. Du trap. Oui, exact. Ok, on écoute ça dans une petite poignée de secondes. On te donne notre avis, franchement, sans détour, mec. Oui, bah, si Basile y a, bah écoute, il commence ici. Mala, Guada, Yana, dans une poignée de secondes, frangin. Ok, tu bouges pas. D'ici là, on a les breaking news. On commence par parler de quoi dans les breaking news? On va parler du braquage en Guadeloupe. Alors c'est pas que ce braquage là, il y a une psychose en fait qui est en train de monter en Guadeloupe. On va vous demander un petit peu votre sentiment dessus parce que mine de rien ça y est, ça arrive sur les médias donc certaines informations sont vérifiées. La dernière histoire en date date d'hier soir. Oui. Alors il y a un braquage qui visait des automobilistes et ça a viré au cauchemar puisque au début c'est au gosier, il y a des braqueurs qui comptent juste braquer un couple. Ils ont non seulement braqué, mais en plus, ils ont changé leur plan en enlevant la jeune femme et en la violant la matin. Alors, il y a des fuites qui permettent de savoir que ce sont les policiers de la direction interrégionale de la police judiciaire qui ont été saisis de cette affaire hors norme. Ouais, parce que mine de rien, j'ai l'impression qu'en fait, c'est très bizarre. J'ai l'impression que chaque semaine passe en Guada. On trouve le moyen de faire pire en fait. Alors moi je dis on, c'est vrai que c'est pas moi, c'est vrai que c'est pas vous, mais à un moment ou à un autre en fait je me dis c'est quoi cette escalade en fait, jusqu'où on va en fait. C'est extrêmement bizarre, c'est extrêmement, ça te met mal à l'aise, ça te met, l'histoire elle est glauque quand même quand on y réfléchit. Je sais pas comment ça vous fait réagir hein, vous les filles, mais à un moment ou à un autre déjà savoir que t'es pas en sécurité parce qu'à n'importe quel moment on peut prendre ta voiture, et ça au-delà de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, mais qu'en plus des mecs peuvent se dire ah ben tant qu'à faire on va se payer aussi une partie de jambes en l'air avec une personne qui est non consentante, waouh quoi. Waouh, je sais pas. Ça va loin. Moi, je sais pas si ça choque. Ça choque autant de monde que j'aimerais que ça choque, en fait. Ah, mais je pense ça. Moi, je me dis à un moment où. Tu sais. Je sais pas, c'est le sordide du sordide, en fait. J'ai l'impression que ça fait 3 semaines, en fait, que ce truc-là est censé arriver. Il y a eu l'agression du ah ouais, à la montagne. Ouais, quand ils étaient à la rivière ouais, de Capesterre à Paradise. Ça s'est fini par finalement l'agresseur qui meurt. Ouais. Il y a eu ensuite les deux nanas qui faisaient leur jogging. Ouais. Pareil, agression et tout machin. Finalement, il y a rien eu. Et là, il y a ça. Je pense que franchement, vous aidez pas forcément les gens qui nous regardent de l'extérieur à penser qu'on est un peuple si évolué que ça, en fait. Je parle des gens qui salissent, en fait, le pays Guadeloupe, parce que mine de rien, c'est chaud, hein. C'est-à-dire que concrètement, on n'a pas affaire au même type de débile, en fait. On a affaire à, tu sais, le crime de sang chaud. T'es dans la colère, tu fais une connerie, tu y réfléchis peut-être après, tu as peut-être les moyens de regretter ce que t'as fait. Mais là, je suis désolé, dans ta tête, tu fais un plan et ton plan, il te semble tenir la route. Tu kidnappes une nana à qui tu viens déjà de voler sa voiture, en fait, et tu te dis que tu vas la violer, en fait. Je me dis, mais dans quel pays? J'ai l'impression, en fait, sais pas comment expliquer ça. J'arrive même pas à trouver d'analogie en fait. Mais appelez-nous les gars, parce que j'aimerais comprendre, avoir une réponse, je sais pas. Que quelqu'un qui braque, mm-hmm. qui tire sur les autres, mais je suis qui sûr nous appelle, je qui, suis sûr, qui nous explique le geste. Je suis sûr que même quelqu'un qui éventuellement braque est peut-être aussi choqué de cette histoire. Ouais. Eh ben le mec qui braque et qui est choqué de ça, mais qui nous appelle. Non mais c'est parce que j'ai besoin de comprendre quelque chose. Comment est-ce que tu justifies ça? Mais je comment sais est-ce pas. Que... Mais je non, sais mais pas si j'ai envie de comprendre. Il y a forcément une justification. Moi. À un moment donné, il y a ton cerveau qui tourne. Tu, je sais pas, il y a pas quelque chose qui te dit une petite lumière qui s'allume, ting, ce n'est pas bien. Non, il y a pas ça. Non, mais au-delà. Alors, mais viens nous expliquer qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui te permet de le faire. Je sais pas, genre ouais, ça pas normal que Manzelni en loto, man pas ni pour qui ça Manzelni, donc manque à point. Ça pas normal que Manzelni ni en foufou ne qui m'ont pas qu'à utiliser, donc manque à utiliser. Je sais pas, il doit avoir un truc qui fonctionne pas bien, mais que le mec vienne nous dire. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Moi, franchement, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette légende, hein, mais il paraît qu'en prison, en fait, quand, selon le crime, en fait, pour lequel t'es incarcéré, tu as un traitement qui t'est réservé, en fait, à l'accueil. Je sais pas si c'est une légende, je sais pas si c'est vrai. Je pense que c'est vrai, les violeurs d'enfants et tout ça, ils sont mal accueillis. Il paraît que les violeurs d'enfants et les gens qui sont incarcérés, en fait, pour viol, ouais. On les attend au tournant, en fait, et visiblement, il y aurait une pseudo-justice, en fait, qui serait faite par les prisonniers à leur accueil. Alors, je ne lui cède pas. Enfin, je n'ai pas le droit de dire que je le lui souhaite. Si, tu peux dire non. Ce que tu penses, Sabri. Je suis pas sûr. On répond pas au patron. Non, mais dis ce que tu penses. Le patron écoute la radio. Je suis pas sûr. Que ça la radio est libre, mec. De quoi tu me parles? Tu bon, me parles. On répond pas au mal par le mal, quand même. Non, alors, ça, c'est ton point de vue. Maintenant, c'est un truc. Il y a le mec de Saint-Martin, là. Il y a quelques mois qui s'est fait assassiner en prison. Parce qu'il avait violé et tué une nana. Oui. Celui qui a fait ça là, il pense qu'il va lui arriver quoi une fois qu'on va l'attraper et qu'il va se retrouver en prison? Je pense que dans sa tête, il se dit on va pas l'attraper en fait. Ah ouais? Que monsieur est en mode one life quoi. Et j'essaye pas de me mettre à sa place parce honnêtement, c'est super désagréable comme exercice. Mais tu sais, tu te dis à un moment ou à un autre en fait que les mecs, franchement, c'est du sordide. C'est-à-dire que concrètement, à la limite que tu te sentes peut-être de temps en temps, je dis une bêtise, hein, mais un genre de Robin des Bois, ou Pani, Cézotlani, ou Décide des Prins, ok. À la limite, j'excuse pas ton geste, mais ça peut être ta manière de penser. Ouais. Mais si mal, là, on va rentrer à dans un système de... Ou alors, à dans, on réflexion de... Au cas violer Moon, là, putain, je sais pas, c'est... Pour moi, c'est un déchet, en fait, ce mec. C'est même plus un déchet. C'est, je sais pas ce que c'est. J'ai pas de nom pour l'appeler. C'est-à-dire qu'au final, on se demande si ces gens-là ont une conscience ou même s'ils savent que ce qu'ils font n'est pas bien. Parce qu'il y a des gens comme ça aussi. Il y a des gens qui agissent, mais qui ne se rendent pas compte que ce qu'ils font mal, en fait. Ça s'appelle, oh, mais être, le viol, ça s'appelle être psychotique. Moi, je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Et puis ils se sont dit dans le feu de l'action, bon, il y a une nana, voilà, pourquoi pas en profiter. Elle est bien, bien mignonne, bien, voilà. Mais ça justifie rien. Ah du non, tout. Ah non, mais que dalle. Je me mets dans leur tête. J'ai pas dit que je cautionne ce qu'ils font. Imagine-toi le désert. Imagine-toi le désert sexuel que traverse cet imbécile. Le désert sexuel dans lequel il est pour se dire que Jean, ah ben voilà, je suis tellement tout permis qu'en péprant et aussi quoi ta femme là. Ça n'a rien à voir avec un éventuel désert sexuel. C'est juste qu'il y a des personnes qui ne sont excitées que par le fait de violer. Tu penses vraiment que le mec qui fait un braquage, il attendait ça? Le mec, c'est un déviant, point. Peut-être que c'était sous-jacent, c'est tout. Mais il y a des personnes qui te disent qu'ils n'arrivent pas à avoir d'érection. Voilà, si la dame j'aime pas discuter avec Lilou. J'aime pas discuter avec Lilou parce que Lilou, c'est la nana, tu sais, qui va prendre le temps de discuter avec le violeur en le disant. Mais il y a une explication derrière tout ça. Y a non, il n'y a pas d'explication. Il y a des gens, c'est limite. C'est leur kiff les pieds. Il y a des gens, c'est leur kiff. C'est ce que tu veux. Mais c'est quand même très différent de kiffer les pieds et de pas faire de mal à qui que ce soit et juste d'aimer les pieds et de bloquer sur les pieds à un moment ou à un autre. Et tu peux pas comparer ça avec un mec qui bloque et qui adore qu'une femme lui résiste. Quand il est avec sa nana et qu'ils veulent faire un scénario, une petite mise en scène, pourquoi pas? Ok, quand il est avec sa copine ou sa sex friend ou machin, etc., il dit à la nana, ouais, en nous font un scénario, machin, etc., résiste-moi un peu. Je peux comprendre que ça puisse l'exciter. Là, on est quand même en train de parler d'un mec qui se rajoute le crime, selon moi, le plus sordide au monde. Le viol, pour moi, c'est pour ça que je parle de désert sexuel. C'est-à-dire que concrètement, franchement, honnêtement, il y a suffisamment de femmes, euros. Même quand tu es, et puis voilà, même quand tu es laid, euros. Même quand tu es laid, tu trouves chaussures si à ton laid, pied, quoi. Repoussant, la dame te dit, ok, pour 30 euros, TBI. Quand il est dit que c'est parce qu'il y a un désert sexuel que le gars a violé la meuf, c'est enlever de l'importance à ce que cette femme a subi. Et là, je ne suis pas d'accord. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Ce qu'elle a subi était important, c'est parce que ce mec dit est un détraqué. Pas important, et au contraire. Et c'est pas parce qu'il a pas niqué depuis des mois. C'est parce que ce mec a un problème. Mais tu fais un rap aussi, attends, alors dire, par contre, dire que le mec est, il a un problème, il est malade, ça par contre, c'est donner de l'importance à ce que la meuf non, a vécu. J'ai pas dit qu'il avait un problème, qu'il était malade, j'ai dit que c'était un détraqué. Alors, oui, mais le fait qu'il soit détraqué, c'est son geste. Ça donne pas plus d'importance. D'une certaine manière, pour moi, expliquer, c'est chercher à comprendre. Et chercher à comprendre, c'est peut-être des excuses. C'est peut-être aussi pardonner. Moi, je suis pas d'accord. C'est pas pardonner, moi, je suis à 200% pour la castration chimique. C'est ce que tu dis, mais finalement, on en revient exactement à la même démonstration que tu viens de faire. Sur moi, ce que je viens de te dire, tu crois que j'enlève de l'importance à ce qu'a subi la fille? C'est horrible ce qu'elle a vécu. C'est horrible. C'est-à-dire que concrètement, honnêtement, et j'ai une pensée pour tous ceux à qui ça arrivait, parce que c'est vrai que là, on parle d'une histoire en particulier. Pour moi, le viol, c'est le truc le plus horrible que tu puisses faire subir à quelqu'un. Celui-là, on en parle parce que ça fait la une, mais il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours. Il y a des viols dans des familles, il y a des gens qui subissent l'inceste. Évidemment, clairement, c'est odieux, c'est horrible, ok? Mais là, concrètement, tu sais, j'ai même pas envie de faire cet exercice d'essayer de me mettre dans la tête du mec. Jamais je peux pardonner. C'est-à-dire que je peux comprendre qu'il y ait des gens qui pètent un plomb. Hein. Imagine-toi, tu tombes sur l'agresseur qui a fait du mal à ta fille, l'agresseur qui a fait du mal à ta femme. Tu tombes sur cet agresseur qui a violé une personne, qui l'a fait souffrir, qui lui a enlevé, volé quelque chose qu'elle ne retrouvera peut-être jamais, sauf si elle a le courage d'essayer de faire en sorte que la vie continue, tu vois. Franchement, honnêtement, pour moi, ça a de l'importance qu'elle a vécu. Je suis pas à sa place, c'est certain. Mais à un moment ou à un autre, je pense qu'il faut arrêter d'expliquer ces espèces de déviants, machin, etc. Tu sais, c'est moi qui suis super ouvert d'esprit. Même la castration chimique, pour moi, c'est pas suffisant. Je sais, ça fait partie des trucs qu'on a peut-être pas le droit de dire à haute voix. Mais concrètement, même la prison, pour ces gens-là, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et puis ça détruit tellement. Ça détruit la victime. Ok, mais ça détruit tous les gens qui sont autour d'elle. Je sais pas si tu te rappelles du mec qui nous avait appelé. C'est sa femme qui s'était faite violer. Ouais. Ça avait détruit leur couple, détruit leur famille. La meuf, elle machin. Au final, ils avaient fini divorcés. Les enfants, c'était une galère et tout entre eux. Ça détruit des vies. Ça détruit pas que la vie de la personne qui est en face de toi. Un bien matériel, à la limite. Ouais, ça te fait chier de te faire braquer pour une voiture, pour machin. Oui, je suis d'accord. Et à un moment, pour moi, même le code moral. Enfin, si tu es un malfaiteur, ça veut pas forcément dire que tu es un couillon ou que tu es un mec odieux ou un monstre. Tu vois ce que je veux te dire? Ton bien l'intéresse. C'est le besoin qui l'amène à effectivement se saisir de ton bien. Le mec, il rajoute un viol par-dessus. Je suis désolé. Le mec, concrètement, franchement, j'espère qu'il... En plus, ce sont des touristes, d'après ce que j'ai compris. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça change en fait? Imagine l'image qu'ils auront des Antilles, quoi. Ah oui, non, mais ça c'est foutu. De toute façon, je veux dire. L'image que leur famille. Ils vont détester les Antilles. Ouais, non, mais après, je pense que très honnêtement, c'est au-delà de ça. C'est comme disait Sabri, ça arrive à des gens dans le pays au quotidien. Le viol, pour moi, c'est le crime le plus horrible, quoi. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui fantasment sur des objets qu'ils n'ont pas, qu'ils essayent de les prendre. Je pardonne pas, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais franchement, le viol, c'est une manière de dire, j'ai pas assez salopé la scène, en fait. J'ai pas assez détruit de choses. J'ai pas été assez dégueulasse, en fait. Si tu crois que ça fait toi un rude boy, si tu crois que ça fait toi une légende, putain, mais c'est immonde ce que t'as fait, quoi. C'est immonde. Je sais même pas comment tu peux te regarder, en fait, dans une classe en te disant, ouais, ouah, honnête, imbécile, quoi. Imbécile heureux, frère. Si ça se trouve, je te rejoins sur un truc, les loups, le mec n'est peut-être même pas conscient de ce qu'il a fait. Ah non, si, ils en sont parfaitement conscients. Tu sais pas. Les excite, ce sont des grands malades. Ils ont des problèmes, enfin, C'est comme l'histoire de la nana qui avait été kidnappée pendant plusieurs jours. Elle avait réussi à s'échapper. Vous avez entendu parler de cette histoire là? Ouais, elle était retenue captive. Elle a fait la randonnée. Je crois que c'était en Basse-Terre ou je sais plus trop quoi. La nana avait été gardée et puis à un moment elle a trouvé une fenêtre de sortie. Frère, mais tu vois ça dans un film, frère. Mais si c'est dans un film, c'est que c'est anecdotique, frère. Si tu commences à Timal à imaginer que la vie c'est comme ça, mec. Mais supprime-toi. Tu es pas fait pour ça. Tu es pas fait pour vivre. Tu n'es pas fait pour partager des choses. C'est horrible quoi. Hashtag G97, hashtag Trace FM 0820 203 200. Désolé hein, Jésus hein, mais t'es arrivé en plein dans cette information là qu'on vient de relayer. C'est vrai qu'on va peut-être écouter quelque chose de complètement différent que t'as à nous donner, mec. 0820 203 200, t'es là pour de la musique, t'es là pour nous montrer ce que tu sais faire, et ça on l'a bien pris en compte. On revient dans un petit instant dessus. Il y a Dimitri qui dit allez là tout le monde qui mâchait. Kei Maché, armé. Pas fond de chou à ces moons-là, ça. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Selon certaines personnes, il y a la roue qui tourne. Ouais. Et tu attends de la voir tourner parfois. Mathieu dit, en pack à fait cardio en salle. Non merci, mon cardio, je le bosse au lit. Miss Taekwondo est avec nous également. Hashtag G97, hashtag Trace FM. 0820 203 200, également sur le net www.trace.fm. On va s'écouter un petit catch-up. On se fait une session discutable talent juste derrière et on revient dans la Trace Radio. À tout de suite. Big up Tijo son, big bad DJ. Shorty came in and she called me red and miss, sleeping with a girl next door. And when she see me, she says she no go mind. Boy, would you give me some, give me some more. Shorty came in and she called me red and miss, sleeping with a girl next door. And when she came, she said she no go mind. Boy, would you give me some, give me some. Shorty wanna rock, shorty wanna shorty stand, catch up, make you give me back shot. Shorty wanna rock, shorty wanna catch up, make you give me back a yeah. Bam bam banana, bam banana, banana, bam bam banana, bam banana, bam bam bam banana, bam banana, banana, bam bam banana, bam banana, bam bam bam banana, bam banana, banana, bam bam banana, bam banana, bam. Shorty gave me, then she called me red and miss, sleeping with a girl next door. And when she see me, she says she no go mind. Boy, would you give me some, give me some more. Shorty gave me, then she called me red and miss, sleeping with a girl next door. And when she came, she says she no go mind. Boy, would you give me some, give me some. She say she wanna bounce to the naira and the dollar and the bounce. See, she say she wanna bounce to the naira and the dollar and the bounce. I swear any time I see you around, I don't get to change ya. Hey, my day, tingling, darling, darling, oh my darling. Your lips, your eyes, I got you, got you, got you, oh my darling. I want you to know you the one where I go carry with my Ferrari. Baby, if you like, we go dance, we go party. Yeah.

La crème de la crème des conneries de la semaine, en rediff ce dimanche soir entre 19 et 22 heures sur Trace FM. Le replay de Génération 97 aussi dispo sur trace.fr. Soir, la première libre antenne des Antilles Guyane est sur Trace FM. Merci d'être avec nous, Mala, Guada, Yana. 0820 203 200, c'est le numéro de téléphone pour nous joindre. Dans un instant du sexe confessionnal, on parlera de quoi dans le sexe confessionnal? Conf, le sexe conf. Je vais pas m'emmerder ce soir avec les mots de plus de 3 syllabes. On va parler de ces chairs précoces. Ces chairs précoces, parce qu'en plus, ils coûtent de l'argent. La sécurité sociale. Bah oui, prescription de Viagra. J'y avais pas pensé. Et qui c'est qui paye ça? Les gens qui payent des impôts. Hashtag G97, hashtag Trace FM 0820 203 200. Est-ce que tu nous vends des techniques pour augmenter notre efficacité? Oui, il y en a quelques-unes. Ok, ça marche. Bon, précoce, mais peut-être pas définitivement. On en parle tout à l'heure dans le sexe confessionnal. D'ici là, il y a un dernier signal à iPhone 7 qui peut retentir à n'importe quel moment d'ici, maintenant et la fin de l'émission. En attendant, discutable talent. On est avec Jesus Bray qui fait de la musique, mais je sais pas s'il chante ou s'il compose en fait. Tu fais quoi, Jesus? Un couplet dessus. D'accord. Ah, tu fais un couplet? Tu vas nous faire écouter une chanson? Oui, j'ai fait un couplet. Dans laquelle tu fais un seul couplet? Oui, oui, oui. C'est dommage quand même. C'est le premier ou le dernier? C'est le premier. Ok, c'est bon. Okay, bon, dans 30 secondes on coupe. Dans 30 secondes on coupe, on n'écoute même pas les autres parce que ça sert à rien de faire de la visibilité pour les autres. Voilà. À moins que tu t'entendes bien avec eux. Ok. Ouais, tu t'entends bien avec eux ou tu t'en fous finalement qu'ils restent dans le ghetto et que toi tu perces. Donc vous faites comme vous voulez. Ouais, je m'entends bien avec eux, mais ça va, c'est pas mes pas gna non plus. Non, franchement, il faut que j'arrive, ça se mange à vous, je l'ai fait manger à vous, c'est sûr. Ouais, grosso modo, le mec, en fait, il est en train de nous faire sa Beyoncé. Bon, écoutez, si vous aimez pas Sonia, si vous n'aimez Solange. Pas... Solange, c'est Kelly, pardon, Kelly Rowland. Oui. Si vous n'aimez pas Kelly, si vous n'aimez pas Solange... Solange, c'est la sœur de Beyoncé. Alors, comment ça s'appelle? Elle s'appelle là, comment, la troisième? Les nanas des Destiny Child, là. Alors, il y a Michel. Ah, mais oui, Michel. Comment on a pu oublier Michel? Tout le monde. Tout le monde, sauf quand elle a fait... Tout le monde chantait la chanson, tout le monde regardait la fille. Ah ouais, c'est elle. Ou passons Génois, Michel. C'est la fille qui chante avec Beyoncé. Bah oui. Donc grosso modo, si ça fonctionne pour toi, tes copains t'en voudront pas en fait. Comment? Si ça fonctionne pour toi, tes copains t'en voudront pas. Non, mais ça va fonctionner pour eux aussi. Hein. C'est pas ça, c'est je vous le souhaite les gars. Après, on est dans un exercice de trap. Music. On écoute attentivement ce que ça fait dans les tympans. Si ça nous fait du bien, on te le dit franchement. Comment s'appelle la chanson? Dans les fêtes d'ouvent. Dans les fêtes d'ouvent, ok. Mais il pense à ses pagna. Hein. Dans les fêtes d'ouvent. On est en train de créer un problème dans un groupe. Tu sais, en général, ça arrive aux groupes qui ont rencontré le succès. Tu sais, il y a des égos qui pètent, on s'entend plus, machin, etc. Là, on est en train de faire. D'essayer de s'éviter un problème plus tard en fait. Ouais. On fait le nettoyage dès le départ. On fait l'écrémage dès le départ. On va écouter donc Stitch. Il signe son premier. C'est pas Stitch le titre? C'est Stitch le titre? Non, c'est pas Stitch. C'est son nom à lui, c'est son blaze. Ah, c'est ton blaze à toi. Mais en fait, tu vends carrément. Alors, tu t'appelles Jesus Brick ou tu t'appelles Stitch? Non, je m'appelle Jesus Brick. Je sais pas qu'est-ce que vous avez parlé de Stitch. Moi, mais tu as dit non, oui, c'est mais ça. Mais non, arrêtez. C'est parce que je lui envoie, ils le sont par WhatsApp et mon nom sur WhatsApp c'est Stitch. Bah, ok. Donc tu es déjà en train de griner le plan du gars. Genre c'est ton blaze qu'on retient quoi. Moi je kiffe ton rire en tout cas. Eh ben écoute, on va écouter la musique. Il est pas encore milliardaire, il a pas encore vendu un album. On écoute d'abord ta musique, on dit ce qu'on en pense. Franchement, vous les auditeurs, vous êtes convoqués. Que tu t'appelles Mathieu, en ce moment connecté. Crazy Keke, Dimitri, tu donnes ton avis. On t'attend également Alexia Chan. Bonsoir. Moi j'ai lu juste une phrase, je me suis dit j'ai eu envie de dire bonsoir à Alexia Chan. Elle a dit l'origine est vraiment profonde. Je sais pas de quoi elle parle, mais j'ai envie de parler avec elle. Tous ceux qui sont connectés, vous donnez votre avis. Voici le titre, Faites ou Vent. Mmh. ni Philippe plein, hey. Moi les fais d'ouvant, moi les ouais d'ouvant, moi. Maman toujours dit moi, assez plein que pour des plaies, mais moi ni Philippe plein, hey. Moi les ouais d'ouvant, moi les ouais d'ouvant, moi. On les ouais d'ouvant, moi. On les ouais d'ouvant, moi. On les ouais d'ouvant, moi. On les ouais d'ouvant, moi. Oui, quand c'est ça, oui, quand c'est ça. Oui quand tu ça, oui quand tu ça. Bitch, je vais pas rouler une pelle. Pense à l'argent qui m'appelle. Je suis ghetto comme Vince Cartel. Trop de brûleurs dans les réseaux sociaux. Ça fait longtemps que j'ai visité tel. Essentiellement à Texaco, j'ai besoin de tuer comme une tasseuse de gel. La pochette va jouer qu'une pute. Je l'appellerai Jezabel. Bal, cabamoun plomb. Mais quand elle la cabamoun cicatrice. Bitch, touche pas vite comme une friandise. Donc à faire vrai trap, quoi qu'il en dise. Ce soir, je suis capuché. Ma blog est blanche comme la piscine. Salope, tu mou comme une piscine. J'ai de la bicar et tous les ustensiles. Squad hey. Maman toujours dit moi, assez pleurer pour des plaies. Mais moi les nids Philippe plein hey. Moi les fais d'ouvant, moi les ouais d'ouvant, moi. Maman toujours dit moi, assez pleurer pour des plaies. Mais moi les nids Philippe plein hey. Moi les ouais d'ouvant, moi les ouais d'ouvant, moi. On les ouais d'ouvant, moi. On les ouais d'ouvant, moi. On les ouais d'ouvant, moi. On les ouais d'ouvant, moi. Oui quand tu ça, oui quand tu ça, oui quand tu ça, oui quand tu ça, oui quand tu ça, oui quand tu ça. Question la mode, moi si mon casque avait mon petit papa en égardé, oui quand tu ça. Magasin y'a bas en polo, à son mountain. Ma assortie faudrait en y en NSC ou bien en cognac en Remy Mountain. Où on le deal, moi on le deal. Sauf que ma tonque est coquine. C'est du trap. Et c'est un discutable talent. Vous dites ce que vous en pensez. Franchement, ça s'appelle Fed ou Vent. Il a signé un couplet dedans, mais il y a des potes autour de lui. Est-ce que t'aimes tout en intégralité? Hashtag G97, hashtag Trace FM pour t'exprimer. Maman toujours dit moi, assez pleurer pour des plaies, mais malin ni Philippe plein. Moi les ouais d'ouvant, moi les ouais d'ouvant, moi. On les ouais d'ouvant, moi. On les ouais d'ouvant, moi. On les ouais d'ouvant, moi. On les ouais d'ouvant, moi. Oui quand c'est ça, oui quand c'est ça. Oui quand c'est ça, oui quand c'est ça. On les ouais d'ouvant, moi. On les ouais d'ouvant, moi. On les ouais d'ouvant, moi. On les ouais d'ouvant, moi. Ah, quand même, c'est un petit peu un son de blafard quand même, hein. Enfin, t'écoutes pas ça totalement. Tu te détends quoi en général quand t'écoutes ça. Ouais, toi, tu te détends pas quand t'écoutes ça. Détends sur du trap. C'est un trap un peu posé, un peu chill quoi. Un peu chill quoi. Tu c'est il est réflexif son trap. Il est introspectif. Son trap. Ah, je mets pas de trap dedans. On débrief tout de suite, mec, dans le studio pour commencer en attendant les avis des auditeurs. Tu es avec nous, tu es de retour, Jesus. Oui, je suis là, je suis là. Alors, déjà, pour commencer, j'ai reconnu l'instru. Ok. Je crois que c'est un Martiniquais qui est beatmaker, je crois qu'il s'appelle Azou. Exact. C'est Azou. J'adore son gimmick. J'adore son gimmick. Il fait ah ah ah ah. Il est bon, il est bon. Ouais, j'aime bien. On dit. Je sais pas comment il a réussi à enregistrer ce crapaud au bon moment. Parce qu'on dirait vraiment un crapaud qui fait ah ah ah ah ah. Et tu l'entends, c'est sa signature. Bon, alors déjà, je vais même aller plus loin. Je pense que j'ai déjà entendu. Ça se ressemble beaucoup, hein, quand même. Hein. Ça se ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis même capable peut-être de te surprendre dans un mix. Je pense que ton titre et ça. Ça s'enchaîne super bien, mais comme si c'était la même chanson. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Les instrus sont quand même assez proches. Ah, mais il faut, hein. Azou, il est quand même assez créatif, là, sur ce coup-là. Là. Il a tenu un petit coup de fatigue, hein, parce que... T'as pas de jeu différent, hein. Non, c'est pas juste. Au contraire. Non, je dis pas Azou, je respecte. Hein, moi, je suis pas beatmaker, c'est son boulot, c'est son job et il le fait très très bien. Tiens, ouais. je suis tombé sur une instru que j'ai beaucoup aimé là, un truc qu'il a fait, ça s'appelle Stamina, un truc dancehall, enfin bref, je m'égare. Bref, on débrief sur ce que tu nous as proposé d'écouter. Alors, le refrain c'est qui? Comment? Le refrain c'est qui? Le refrain c'est Dissoud et Azou. Ok, ben Dissoud et Azou, ils sont très bons. Ta partie m'a vraiment déçu, ça m'a vite saoulé en fait. Et heureusement qu'il y a le refrain qui est très bon. Alors sa partie, c'est le premier couplet. Ouais. Oh, j'ai trouvé ça un peu gratuit, machin, et même dans le sale, en fait, ça ressemble à du déjà entendu. Ok, on prend un autre avis, attends, bouge pas. Yoshi. Moi, c'était plutôt un problème de flow, en fait, que j'avais avec ton couplet. Parce que j'ai même pas pris la peine vraiment d'analyser les paroles, parce que le flow même me perturbait. Vous êtes en mode bande de connards, en fait. Moi, j'ai bien aimé. Mais non, mais le gars est arrivé après un sujet révoltant, donc voilà, monsieur. Donc, genre, au panita, à pète, quoi. Non, mais non. Moi, je comprends. Je sais que ce sont pas des flows que les gens sont habitués à entendre ici, donc. Ouais. Franchement. Au contraire, moi, c'est la critique que j'ai besoin pour pouvoir évoluer. Ah, bien sûr, pour pouvoir te situer. Les gens ici, ils n'écoutent pas, ça c'est eux. Si vous, si demain matin, d'autres sortent comme moi, dans 2 ans, je sais que vous allez me rappeler. Oui, bien sûr. Oui. Pas de souci. Ah, merci. Hein. Sauf si tu fais du zouk dans mes ans. Mais attends, c'est pas fini, mec. C'est pas fini parce qu'on continue à prendre des avis. T'as l'air assez ouvert et d'ailleurs, bah, ça permet aux gens de s'exprimer. Franchement, Nessie, toi, t'as kiffé. Moi, j'ai bien aimé. Ça s'écoutait bien. C'était sympa. Ah ouais, vraiment. T'as trouvé ça cool, posé? Ah oui. Moi j'ai trouvé ça un peu chill. Ouais, tu sais, un peu. Je sais pas si tu te concentres beaucoup sur la musique. Je pense que tu te concentres plus sur l'ambiance qu'il y a autour de toi. Mais c'est un truc qui fait une bande originale un peu de ton moment de life. Tu vois, Hugo, t'en as pensé quoi? Moi j'ai bien aimé, ça m'a rappelé un peu Pompe de Mike et Gino, Maman Capillary. Ouais. Après t'es très précis dans le son, mais l'univers, je comprends. Tijo, ouais. Il en a passé quoi, le monsieur musique de la radio? Alors, tu vas le mixer ou pas? Ben en fait, le problème c'est que j'ai pas tout entendu. Ah, tu déconnes, frère. Alors pourquoi tu viens au micro, tu dis j'ai pas entendu? Non. J'ai entendu la fin et voilà quoi. Ouais, ça. Et la fin était bien. Ouais, voilà. Mais lui, dommage, il était pas sur la fin. Non, mais de ce que j'ai entendu apparemment, comme tu as dit, ça fait un peu chill, ouais. Ouais, c'est posé, quoi. Ouais, ouais. Après, c'est pas le son entraînant. Peut-être qu'il cherche à travers ses paroles à bouleverser un certain nombre d'autres trucs. Je sais pas. À pas te laisser indifférent, en tout cas. Et visiblement, ça discute autour de ta chanson. Donc, ça laisse pas indifférent. Lilou. Ah, c'est bien. Lilou. Donc, moi, j'ai bien apprécié dans l'ensemble, mais c'est vrai que j'ai aussi une préférence pour le refrain. Ah. Ouais, le refrain, parce qu'il y a peut-être plus d'harmonie, plus de mélodie. Attends, bouge pas, j'essaye mon mix. Attends, bouge pas. Attends, bouge pas. 1, 2, 3, 4. Là. Je l'ai raté. Non seulement je l'ai raté, mais je l'ai mal raté. Tu l'as mal raté. Attends, bouge pas. Tac. Il est plus lent, le Adam Fokin, oui. Mode, ouais. Il est un tout petit peu plus lent. Ok, bon bah écoute mec, c'est partagé hein, dans le studio. On a récupéré quelques avis sur le web, ils vont continuer à arriver parce que de toute façon les gens ont toujours un petit temps de réaction. Hashtag G97, hashtag Trace FM pour dire ce que vous en avez pensé. Le trap, ça l'a fait, vous lui conseillez de continuer ou peut-être de faire de la polka, ça c'est vous qui voyez. Vous dites franchement ce que vous en pensez, Mada Guadayana. 0820 203 200. En tout cas, moi je trouve que t'as une bonne voix dans la vie quand tu discutes. Je suis peut-être un peu déçu de pas retrouver cette même voix que j'ai là au téléphone en discutant avec toi, ce même flow là, je suis peut-être un peu déçu de pas le retrouver sur le titre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois, c'est compliqué, hein. C'est un pas artiste, hein, beaucoup moins. Un listener, tu vois, c'est pour deux trucs différents. Ouais, mais c'est possible. C'est pas impossible. Moi, je pense que de toute façon, dans la musique, il y a qu'un seul mot. Véritablement, c'est le travail. Il faut tout essayer, il faut essayer de se trouver déjà soi-même, son identité musicale, artistique, machin, etc. C'est un long pèlerinage, hein, frangin. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir eu le cran de nous le soumettre ce soir. Le son est bon, c'est l'avis de Miss Taekwondo. Choubi nous rejoint, elle a raté le titre. On récupère quelques avis encore et tu pourras les consulter d'ailleurs sur le web. Hashtag G97, 0820 203 200 également sur le net www.trace.fm. Où est-ce qu'on retrouve éventuellement si on a accroché ce que tu fais? Où est-ce que ça se passe sur le web avec toi? Ah ok. Ça veut dire, c'est à ce moment-là en fait que tu balances ton, ouais, tu fais ton Facebook, tu fais ton YouTube, ton SoundCloud, tu fais ton Twitter, tu fais ton pub, l'ami, tu fais ton pub. Alors, mon SoundCloud c'est Columbine Gang, c'est sur SoundCloud. Après il y a le SoundCloud de Discord, il y a le Facebook aussi. Arrêtez de dire SoundCloud. J'ai l'impression que chaque fois vous interpellez à la commune de Nessie. Ça s'appelle SoundCloud. On sort une mixtape ce week-end qui s'appelle Cocano Cola. Alors si vous avez le temps d'écouter, comme ça, si vous aimez pas ou si vous aimez, peut-être que j'aurai 2-3 petits commentaires. On a Lyric Albless qui a beaucoup aimé le titre Rebalance le son de Jesus Brick. Écoute, Lyric Albless, si tu arrives à choper, allez, on va dire un petit 50 gemmes. On rejoue le titre avant la fin de la soirée. Joëlène a trouvé ça pas mal quand même. Ça va, c'est encourageant. Ça va. Bon, ben à la prochaine en tout cas. Lyric Albless, le défi est sérieux. Si tu arrives à réunir 50 gemmes pour qu'on rebalance le son de Jesus Brick, eh ben on le rebalance avant la fin de l'émission. Je te le jure, je te promets. Parole donnée, parole de Génération 97. D'ici là, on va s'ambiancer avec un dernier signal iPhone à guetter, avec évidemment du sexe confessionnal. On revient aussi dans un petit instant avec la Yoshi strophe. D'ici là, c'est Tijo Sound qui prend la relève sur les platines. Une armée au bout de la nuit. We are sip the Henny for the day, baby. Bad man, we no stray, baby. Oops, I done fell for your way, baby. I know, girl, but je vous prends là, c'est pas l'ambada. Puis qu'à faire ces femmes là, c'est rien, y'a qu'on pas caille. M'en fait passer mes messages en l'air pour parler ma peuple. Bon, mais y'a rien, j'suis pas mes grands noms style. Nous pas qu'à parler trop, j'ai baigné en Tom Tom style. Là, t'es un X-Men, nous bien, on s'en l'homme pas. C'est gars là, c'est pas des comics à la American Pie. Y'a ni pas, mais y'a dance hall, pas mes dance hall. Pas mes dance hall, ni pas, mais y'a dance hall. Pas, pas, pas, mais y'a dance hall. C'est place là, c'est à l'aise à moyer des pieds, t'as les bam bam, t'as les mettre au mal à l'aise, mais la même qui est tombé tight. Alors bougre, j'ai papier, ouais, puis, ouais, c'est basse là. Et moi, quelqu'un au mal d'yeux, ça tremble, moi, la boussole a tremble, démarrer chez mes assis, ouais, qu'à tremble. Soudain, y'a son, c'est ça qui est tombé, pour ceux qui anglais. Mi adios, comme vital d'un. Il dit, m'la répète en bras, puis des appels dans jambes. Mani, oh, c'est Mike là, pour ça qui batte l'état. La chien strike est sérieux, bah, y'a un qui peut le ton. Même si gars, il a gravillé, mais d'yeux, bah, y'a dance là. Oh, y'a play tune, play tune. No matter diamond, play a tune, play a tune. Hold it there, hold it there. Play a tune, play a tune. Song boy, play a tune, play a tune. Ah! Money up, sure. DJ Cuss. Sure. You have some little pop down sound boy, but they want to test my sound. How am to them? Money up. Oh, you play a tune, play a tune. No matter diamond, play a tune, play a tune. Hold it there, hold it there. Play a tune, play a tune. Song boy, play a tune, play a tune. Oh, you play a tune, so so so. No lady G, just so so so. No maca diamond, just so so so. No lady sir, just so so so. Stop, come out, don't waste my time. True, we say play your think up on your mind. We want Trace FM play a big tune with big rhyme time after time. Wait, Trace FM just a rise the nine. Shoot your up with dubbing on your spine. Sound some boy, go and go use line. You not ready for this yet, you better resign. To the top, Trace FM I go climb. We have tune, we not for commit no crime. When we a play, everybody feel fine. Spend half them money and don't left a dime. Oh, you play a tune, play a tune. Trace FM, them a play a tune, play a tune. Holiday, holiday. Play a tune, play a tune. Some boy, play a tune, play a tune. Oh, you play a tune, so, so, so. No lady G, just so, so, so. No maca diamond, just so, so, so. No lady sir, just so, so, so. Come at the dance, I'm a well need top. Good clothes, I'm a well sweet top. One tune and you couldn't keep up. Some boy, I really you them first. My youth, you make me day anxious. I know you really make me happy start cause. Why you, what you do, you must be nervous. Are a blood cell in your nerves, must be bust. Ready dance and never this we discuss. You tell me tune to tune is I must know your minus instead of plus. Yo, so why you know you're just bite the dust? Chase FM killing we not tell you hush. Boy like flash, like a phone contact. I feel my food even if we have no teeth like only. Food man a snatch left them a watch muscle for the bread. Full speed ahead non-stop. Have me ice pan the grace. Man I am to the top and 90 yes. Everything is in the from them switch I don't know them. Don't give up a cow. Dem a hype up a dem papi show dem. Dem a hype up a who grow dem. From dem switch I don't know dem. Don't give up a who grow dem. Dem a hype up a dem papi show dem. Dem a hype up a who grow dem. Ni spit fire and a drink spit fire. Weed in a hand while grades are blaze higher. The most I guide and protect with you prior. Chiching rule it, tell him watch out for the wire. The days of Corville straight to Kentire. The entire place don't know me tempire. Yes, aya, praises I figure to the messiah. From your shaky, your time expire. The thugs them from them switch, I don't know them. Don't give up a fuck how who grow them. Them a hype up a them papi show them. Them a hype up a who grow them. From them switch, I don't know them. Don't give up a fuck how who grow them. Them a hype up a them papi show them. Them a hype up a who grow them. Black pan, black head, at me no chat. Place lock, boy, this a ducky bat. Some boy life lost, like a phone contact. I feel them a boom. Ma mère me dit de rester sage. Laissez passer cet orage. C'est aujourd'hui qu'on brasse. Pas de main qu'on quittera le rage. Ma mère me dit de rester sage. Laissez passer cet orage. C'est aujourd'hui qu'on brasse. Pas de main qu'on quittera le rage. J'ai dû rafler, rafler. On d'aller, d'aller. Je me dis moi, salvé, salvé. Mets bien la mif, donc faut mailler, mailler. Des euros dans ta poche, y'en a jamais assez. Je rêve de quartier, quartier. Va dire à mon ex, il a raté, raté. La daronne pour ce bled, elle en a vraiment pas fait. Je me battrai jusqu'à ce qu'on puisse évader, fader. Le corps d'une princesse, visage maléfique. Tout est fait, ketchup, je trouve ça magnifique. Tout marche pour moi, rien marche pour ces bitches. À croire que leurs bails sont paraplégiques. Ici on brasse autant qu'on bédave. Le Glock et le joint sont bien géchards. On en veut après ton héritage. Le pied et les yeux de cheveux. Ma mère me dit de rester sage. Laissez passer cet orage. C'est aujourd'hui qu'on brasse. Pas demain qu'on quittera le rage. Ma mère me dit de rester sage. Laissez passer cet orage. C'est aujourd'hui qu'on brasse. Ton nouvel iPhone 7 t'attend. 0820 203 200. Fini ta combinaison à deux chiffres. Si elle est validée par toi, c'est gagné, c'est gagné. Just Titini Plistana. Batiska Cup, Titini Plistana. Batiska, Batiska, Batiska, Batiska, Batiska, Batiska, Batiska, Batiska, Batiska, Batiska, Batiska, Batiska, Batiska, Batiska, Batiska, Le 0820 203 200, file-nous ta combinaison à deux chiffres et si elle est validée par Siri, c'est gagné. C'est gagné. On a du monde qui nous rejoint du côté du standard. Trace FM, bonsoir, comment tu t'appelles? Je m'appelle Yann. Bonsoir Yann. Alors attention, iPhone 7, tu mesures 1m combien? 1m73 à peu près. Ok. Bon, c'est bon. T'as la taille pour assumer un iPhone 7. Attention, Siri te parle. Donne-moi ta proposition. 12. C'est ça? Oui. C'est une mauvaise réponse. Cher ami, tu repars quand même pas les mains vides. Il y a un casque AirPods rien que pour toi. Ouais, on va t'offrir ton casque AirPods. Ça vaut 40€ dans le commerce quand même. Mine de rien, l'iPhone 7, il fait tellement saliver les gens que même quand tu gagnes pas l'iPhone 7, tu repars quand même avec un cadeau qui tient la route. Tu bouges pas, tu raccroches pas. D'autres tentatives à n'importe quel moment sur Trace, Mada, Guadayana, toute la journée. On revient dans un instant avec du sexe confessionnal. Restez avec nous dans Génération 97. Festival Caribzik revient en mars à bord du MSC Poesia avec Trace. En concert, Wayne Wonder, Tania Stephens, Alison Hines, Pai, Missy Sadik et beaucoup d'autres. Caribzik, clubbing, beach and pool parties, stand-up comedy, sport, 7 îles différentes pendant 7 jours. Séjour au départ de Martinique et Guadeloupe à partir de 699€ par personne. Payable en plusieurs fois. Attention, quantité de cabines très limitée. Tarifs et conditions sur les pages Facebook Caribzik et nayaradouvoyage.com. Caribzik 2017. Avec Trace. Tes plus gros événements de cette fin d'année sont avec Trace FM. Samedi 3 décembre, la Bubble Day débarque en Guadeloupe. La Bubble Day, 5 km de course à pied, avec des animations suivies en fin de journée d'un festival de musique caribéenne. La Bubble Day, de la mousse, des bulles, la plus grande baignoire de Guada. Toi aussi, rejoins la Bubble Zone. Ton passe pour t'éclater t'attend sur le Facebook. The Bubble Day Guadeloupe, avec Orangina, Peugeot, Simply CrossFit et Trace FM. World Creole Music Festival revient avec Trace et Guadeloupe Première. La culture caribéenne vous donne rendez-vous du 28 au 30 octobre pour la 19e édition du Festival de la Dominique avec Econ, Popcorn, Wyclef Jean, Ophelia Chabanton, Morgan Heritage, Michael Anderson, Midnight Groovers, Crayola et le grand méchant Zouk. Au total, plus d'une vingtaine d'artistes. World Creole Music Festival. Du 28 au 30 octobre 2016. Un événement Guadeloupe Première et Trace. En partenariat avec le ministère du Tourisme de la Dominique. Info sur www.wcmfdominica.com et sur www.discoverdominica.com. 100% radio libre. Tous les soirs sur Trace FM. Magistral beats. Oh mama, oh mama, I feel you. C'est qu'on s'y nous voyons pas à chaque pas. La semaine à nous, pas contact. dois connecter. Si quelqu'un te veut du mal, dis-moi baby beau maillé. Et quand la douleur fait mal, il vaut mieux la noyer. Et confiance sur moi du jour au lendemain, mais je vais pas tailler. Ton frère j'ai déjà côtoyé. Et ah, mais I need you, I need you. Je comprends même pas pourquoi tu doutes. I need you, I need you. Je t'imaginais pas aussi douce. I feel you, I feel you. Tous les soirs tu m'appelleras à ta rescousse. I feel you, I feel you. Ça me rappelle que tu as pas fait quelque chose ce soir. Tu as pas fait la hotline des cocoteurs, toi. On fait ça demain, les gars. Ouais. Le mec, il est en train de faire monter le jus. Il va en avoir plein. Quelle image désagréable. On parle ce soir des précoces. C'est ça. Ceux pour qui le jus monte trop vite. C'est ça. Éloignez les petits de la radio, s'il vous plaît. Alors, en fait, est-ce qu'on a un indice précis de ce que c'est qu'un précoce? Un indice de temps? Ouais. Je dirais moins de 10 minutes. Il se dit qu'il est précoce, du coup. C'est ça? Non, c'est que 10 minutes, c'est large. C'est-à-dire que moi, je pense que la moyenne se situe véritablement à partir du moment où on commence à s'inquiéter. Je pense que moins de 3 minutes, ouais, c'est chaud. Moins de 3 minutes. Et tu sais pourquoi je valide pas ton 10 minutes? Parce que théoriquement, un mec qui s'y prend plutôt bien et une nana qui est plutôt ouverte dans sa tête, théoriquement, la moyenne est à 8 minutes, l'orgasme. Et l'orgasme naturel. L'orgasme féminin, 8 minutes. Pas celui qui est retenu. Ouais, 8 minutes. Et l'orgasme masculin, en moyenne, c'est environ 5 minutes. Ça veut dire que déjà, on n'est pas sur le même pied d'égalité. Ça veut dire que de toute façon, pour vous permettre d'atteindre le plaisir, il faut qu'on fasse un effort. Qu'on se sacrifie. Ouais. Après, bon, il y en a pour... On bloque nos chakras. Après, pour certaines personnes, ça se passe beaucoup plus fluidement. Enfin, non, c'est le contraire. Attends, des fois, t'as trois allers-retours et puis il n'y a plus personne, quoi. Alors, c'est ça. À partir de moins de 3 minutes, c'est très inquiétant, en fait. Alors, ça peut s'expliquer. J'ai compris que tu voulais pas mettre tout le monde mal dans sa peau, machin, etc. Ça peut s'expliquer par quoi? Alors, déjà, il y a l'alimentation, l'abus d'alcool, la cigarette. Ça peut influer, maman, en fait. Tayoshi qui a fait traverser un paquet de cigarettes toute la pièce. Le truc est arrivé directement dans la poubelle. Tu as ce genre de problème, Yoshi? Non, du tout. Les gars qui sont sur la place, ils ont balancé les bouteilles. L'alcool, c'est Satan. Après, certains articles parlent aussi d'une fatigue excessive. Ouais. Qui peut, alors moi ça me fait l'inverse par contre. Quand je suis très fatigué ou machin, etc. Ça vient jamais. Tu bandes mon. Ouais, non, c'est le contraire. C'est le contraire. Après, il faut évidemment que ça m'intéresse. Parce que ça arrive aussi des fois, on s'est tous retrouvés dans cette combinaison où ça t'intéresse moyennement, tu es presque dans un truc un peu hygiénique, le truc ça... Autant ne pas faire alors. Ouais, autant ne pas faire. Malheureusement, tu prends cette décision trop tard, t'es déjà engagé. Après, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que effectivement, tout dépend de ton état d'esprit, de pas mal de choses. Mais a priori, si ton état d'esprit est déjà pas bon, a priori, ta machine devrait pas fonctionner normalement. C'est ça. Donc tu devrais déjà avoir des indices. Peut-être pas essayer de forcer envers et contre tout ces indices. Moins de 3 minutes, est-ce qu'on peut changer ça? Parce que en moyenne, l'orgasme, je prends bien les orgasmes des mecs qui peuvent durer une heure et demie. Tu sais, il y a plusieurs configs. Il y a des mecs qui sont persuadés qu'être un bon amant, par exemple, c'est durer une heure. Ouais, c'est pas forcément exactement ça. C'est permettre à l'autre d'atteindre le plaisir et peut-être pouvoir le refaire plusieurs fois d'affilée. Ça, le but du jeu, c'est pas de réussir à faire des signaux de fumée. Voilà, c'est savoir interpréter. Le mec en mode Bear Grylls, tu sais, genre Man versus Wild. Le mec il essaye. Bon alors là j'ai un silex, c'est une cocotte qui vient qui est en pierre volcanique et qui devrait prendre feu au bout d'une heure. C'est le but du jeu, c'est pas forcément de retenir son orgasme pendant une heure, c'est de pouvoir peut-être répéter l'action plusieurs fois pour pouvoir chaque fois repousser en fait les limites. En fait, il faut savoir interpréter les signaux volontaires ou involontaires de son ou sa partenaire, déjà. Il faut créer une intimité plus qu'une... Enfin, comment dire? Il y a des gens qui couchent ensemble sans être intimes. Et il faut pouvoir créer une certaine intimité pour pouvoir arriver justement... Donc en fait, concrètement, le one shot, on sera jamais le meilleur amant que si on progresse au fur et à mesure qu'on fréquente une personne et qu'on le fait plusieurs fois, en fait. C'est ça. C'est une illusion totale, en fait, de penser qu'on est meilleur amant en one shot. Ça se trouve, en fait, c'est presque un coup de chance, si tu veux, le one shot, si ça se passe vraiment magnifiquement bien. Non, parce qu'il y a des hommes en one shot qui sont très attentionnés, déjà de base. Oui, mais attentionné, ça veut... Oui, mais alors là, ça veut dire que tu rentres un facteur. Parce que, tu sais, quand nous, on est des garçons, quand tu nous parles de performance, on est dans un délire, tu sais, parfois sportif. C'est une erreur totale. En se disant, ouais, je vais gérer ma respiration. Il y a même des gens qui utilisent des subterfuges. Ils pensent à d'autres choses. D'autres choses qui vont ralentir... Pourquoi tu rigoles, Yoshi? Zlatan, mon meilleur ami. Ça, je pense. Bah ouais, mais c'est clair. Mais non! Tu veux pas ça? Non, mais pas ça. La façon dont tu penses à quoi, allez? Tu penses à quoi, franchement, non, pour retarder un peu le truc? Mais rien du tout. Simplement que je sais pas. J'imagine tous les trucs tordus qu'on peut imaginer. Au final, tu peux même te retrouver à avoir la tête d'un truc complètement différent sur la personne avec qui tu es occupé. Alors ça veut dire que tu te divertis ou alors ça veut dire que tu augmentes ton excitation comme ça? Tu te divertis. Donc ça veut dire que t'as besoin d'un subterfuge quand même pour essayer de ralentir l'éjaculation, en fait. Non, moi j'en ai pas besoin, mais j'ai pensé à un truc comique, je sais pas quoi. Tu es bizarre. Tu sais qu'il y a des gens, tu sais qu'il y a des gens qui pensent à leur maman. Ah non, non. Par exemple. Non, mais c'est vrai. Non, ah non, oui, non. Ah oui, mais c'est, moi, non. C'est véridique. J'ai déjà entendu des copains me dire, genre, à ce moment-là, je pense à un truc qui est complètement différent de ce que je suis en train de faire. Et ça me permet de tenir encore plus longtemps, quoi. Mais justement, tu débandes directement. Ah ouais, moi? Non. Ma maman m'appelle, je vois sur mon téléphone son visage s'afficher. C'est bon, c'est fini. Oui, mais. Ah ouais, c'est mort. Oui. Non, non, là, c'est trop fort. Chacun son super. Là, c'est la crypto. Alors, toi, tu utilises quoi comme image? Zlatan. Comment ça, Zlatan? Je pense à un match de foot. Ça veut dire que ta mère t'appelle, tu débandes. Zlatan, tu y penses, tu débandes pas. Voilà. Mais ça permet de. Elle est où la chanson Ibrahimovic. Cavani. Bref, est-ce qu'il y a des techniques pour augmenter sa performance, pas forcément dans le de alors évidemment avoir une bonne condition physique, mine de rien, parce que le sexe est quand même un peu physique, ça doit jouer, mais est-ce qu'il y a des techniques pour ralentir l'éjaculation en fait masculine? Alors oui, sur internet on peut trouver des infusions, il y a également des décoctions de plantes à mettre en cataplasme. Ce que je trouve assez particulier quand même. Ah ouais, non, je mets pas n'importe quelles herbes sur mes affaires. Même moi, j'ai jamais fait con. Qui a déjà testé la pierre noire là de Sainte-Lucie? Ça va pas, non? Moi, j'ai, franchement, honnêtement, je un peu ça. Hein. Moi aussi, j'en ai qu'un seul. Hein. Mais moi, le truc, dès qu'il n'est pas homologué, norme française ou norme européenne, c'est. Et puis fermé. C'est une pierre. Alors il y a des gens qui produisent des capotes en fait à base de bois bandé ou alors de certains produits qui sont un peu anesthésiants. Est-ce que c'est une bonne idée? Il y a des capotes retardantes et moi ça marche pas du tout sur moi ce genre de truc parce qu'en fait moi j'aime pas du tout la sensation d'être anesthésié. J'ai besoin de sensations pour trouver ça cool en fait, pour trouver ça agréable. J'ai besoin de ressentir des choses. Donc le côté anesthésie pour moi ça m'a jamais intéressé. Ouais, mais c'est parce que tu n'es pas sujet à l'éjaculation précoce. Ou pour ça. Oui, peut-être, mais je me dis qu'à un moment ou à un autre, est-ce que c'est vraiment le meilleur conseil à donner à quelqu'un qui a un petit problème parce qu'il part trop vite, machin, etc., qu'il éjacule trop vite, que de lui dire de s'anesthésier? Moi, je trouve que tout le plaisir, en fait, de la chose réside dans la sensation, en fait. Ouais, mais là, le mec n'a carrément aucun plaisir. À peine il est entré, machin, il a déjà éjaculé. Donc, c'est peut-être aussi une façon de prolonger l'acte pour sa partenaire, parce que déjà, le sexe, c'est à deux. Ouais. À un moment donné, la fille aussi, elle est frustrée. Si le mec, ça lui permet de pouvoir tenir 5 minutes, et de toute façon, au bout des 5 minutes, il va finir par commencer à ressentir quelque chose, et à ce moment-là, il va éjaculer. Mmh. Donc, il y a Joëlène qui envoie sur le web, les gars ont des orgasmes, et B, eh ben, tu serais très surprise. Il nous arrive de simuler aussi. Et même, je vais aller plus loin, et peut-être te bouleverser, Choubi. Il nous arrive de jouir sans éjaculer. Et parfois, d'éjaculer sans jouir. Réfléchis. Refais ton petit parcours sexuel. Et vérifie s'il n'y a pas un pot de lait de toilette juste à côté qu'on t'envoie sur le visage. Non, alors là par contre tu vas loin toi dans la mise en scène. Attendez. Mais moi ça m'est déjà arrivé, par exemple, de coucher avec une nana, de sentir le plaisir monter sur moi, mais de pas éjaculer. Et par exemple, t'es là, et t'es exactement dans les mêmes conditions que si t'avais éjaculé parce que tu sais, c'est désagréable juste après, tout de suite, tu vois. T'es trop sensible, tu vois, mais t'as pas éjaculé. Et inversement, tu peux éjaculer sans avoir de plaisir. Mais justement, parce que... je voudrais comprendre. Pour moi, l'éjaculation, c'est que vous avez quand même ressenti un plaisir, c'est pas la jouissance pour vous? Alors, c'est pas forcé. Contrairement à ce que vous pensez. Des fois, le mécanique et. Voilà. Mécanique et la sensation, le plaisir. Ouais. C'est pour ça même que je pense que les éjaculateurs précoces, ils ont pas forcément de plaisir au moment de l'éjaculation. Parce que pourtant, ça part, en fait. Ça part sans qu'ils aient eu le temps. Pour que le plaisir soit un peu. Enfin, je pense que ça dépend un petit peu de chacun. Mais pour que le plaisir soit un peu intéressant, faut qu'il y ait une montée en pression qui ressemble un peu à la vôtre, qui est légèrement plus courte dans la durée, mais qui ressemble un peu à la vôtre, cette espèce de montée en pression. Mm-hmm. De la même manière que vous pouvez être satisfaite d'un rapport sexuel sans avoir joui, ça peut nous arriver aussi. D'accord. Après, il faut savoir qu'il y a aussi un gros facteur de stress à prendre en compte, le stress de ne pas être à la hauteur pour son partenaire. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui se mettent beaucoup la pression, ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que si c'est déjà arrivé, quelqu'un qui n'est pas forcément éjaculateur précoce à chaque fois peut le devenir si sa partenaire ne réagit pas... comme il faut. Exact. On a Chloé qui nous rejoint du côté du standard. Bonsoir Chloé, allô. Allô ? T'as choisi de témoigner dans l'anonymat. On écoute ce que tu as à nous dire. Qui tu es ne nous intéresse pas, à moins que tu prennes un plaisir éventuellement à nous le dire. On t'écoute. Ben, déjà, je voulais savoir le coût de l'alimentation là, qu'on a dit là. Quand vous parlez d'alimentation, c'est un truc de... C'est genre manger de la viande, tout comme ça ? Alors, attention, dans ton régime, mange, pense bien à ne pas être végétarien. Team vegan. Team vegan, tu sais, genre, est-ce qu'il faut des carottes? Est-ce qu'il faut des concombres? Est-ce qu'il faut de la viande pour avoir des protéines, pour mieux tenir? C'est pas non plus un marathon que tu cours. C'est quand même sportif, mais c'est pas... Enfin, tout le monde est en mesure, a priori, d'avoir un rapport sexuel tout à fait normal. Après, sortie du champion, du mec qui fait du crossfit et qui veut que ça dure 2 heures et qui est persuadé que ça fait kiffer sa nana. Ça, c'était mon petit plaçage. T'as attaqué les mecs qui sont en salle de muscu. Oh, c'est fou. Mais grave, les mecs qui sont 50, qui poussent 50 kilos à la salle et puis une fois qu'ils sont sur toi... C'est pas moi qui l'ai dit, c'est une fille qui l'a dit. Je suis désolé pour vous, les gars. Vous êtes persuadés que le sexe, c'est durer longtemps, savoir retenir votre souffle ou faire un acte sportif. C'est pas ça, le sexe. Le sexe, c'est une communion, les gars. Une communion... Je pense que la performance d'un homme... se mesure dans la satisfaction de sa partenaire. Chloé, on t'écoute. Mais plus qu'une performance sportive, je veux dire, au bout d'un moment, oui, c'est une communion, mais il y a un moment où les choses commencent à devenir sérieuses, et c'est à ce moment-là que le truc se termine, tu te dis, frère, quand même. Ça t'est déjà arrivé, en fait? Oui, ça m'est déjà arrivé, mais surtout que le gars qui te vante qu'il va à la salle... Qui vend ça, c'est une erreur. Quoi? Tu vois, moi, je fais le contraire. Je fais le contraire. Je dis en moyenne que je dure 45 minutes, tu vois? Je lui dis, je préfère la prévenir, je lui dis, écoute, je préfère te prévenir, je suis pas un très très bon amant, ça dure 45 minutes, c'est moyen. Alors déjà, c'est rigolo parce qu'elle fait un sourire dans ses yeux, tu sais, genre, parce que ça passe comme de l'humour, c'en est. Et puis, paf, ha, je fais 57 minutes. Et même des fois, quand tu annonces que tu fais 45 minutes et que tu en fais 46, c'est suffisant. Par contre, quand tu annonces que tu fais 1 heure et que tu fais 3 minutes... C'est con, hein. Tu sais, il y a un truc que j'ai trouvé comme jeu. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, Chloé. T'as déjà couché avec un gars qui éventuellement te faisait croire qu'il était super précoce, qu'il avait joui tout de suite, et finalement il reprend derrière? Non. Moi, j'ai trouvé ça très drôle à faire. J'ai trouvé ça très drôle. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Tu sais, tu commences, tu enlaces, et puis tout d'un coup tu fais... Elle te dit, quoi, t'es déjà parti? Non, c'était juste pour voir ta réaction. Et on continue. Ça le fait, tu vois, ça le fait. Faut surprendre. Je pense que, mine de rien, l'humour, là où il est utile, c'est pas forcément pour exciter, c'est pour décomplexer. Exact. Ça marche, l'humour. Hugo. Yo. Pourquoi tu interpelles le gars comme ça? Il était presque en train de s'endormir. Laisse le gars tranquille. À chaque fois que tu lui fais le coup, tu le fais sursauter. Hugo. C'est pas bon pour son cœur. T'en penses quoi, toi? Contrairement à ce que tu disais tout à l'heure... Ah, il n'est pas d'accord. Attention. Non, en fait, quand ça dure trop longtemps et que tu ne jouis pas, ça peut être chiant aussi. Mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, en fait, il y a un juste milieu. Si ça dure trop longtemps, tu le fais en mode un peu automatique pour satisfaire l'autre. Parce que vous, ça vous arrive aussi, les filles, de faire pour faire plaisir. Mais ça nous arrive aussi, il faut arrêter ces mythologies à la con, de penser que c'est votre terrain de jeu et pas le nôtre. C'est aussi le nôtre. Moi, par exemple, l'étoile de mer, ça me fait cet effet-là. L'étoile de mer, la meuf qui est, tu sais, jambes écartées, bras écartés, qui caratonne, baila ou bitella. Ça existe encore, ça? Mais bien sûr que ça existe. Mais bien sûr que ça existe, parce que de la même manière que vous, qu'on se met la pression, vous vous mettez la pression, et parfois, chez certaines d'entre vous, le fait de se mettre la pression, ça vous fait ne rien faire. Ah bon? Les hommes étoiles de mer, ça existe aussi, hein, je suis désolée. Hein. Oui, bien sûr. Enfin, nous, on se met plus en croix. Oui, c'est une croix plus qu'une étoile de mer. Mais ça existe aussi. Franchement, honnêtement, qu'est-ce qui fait pour toi la qualité d'un bon amant? C'est quoi la bonne durée? La bonne durée, c'est peut-être pas forcément un timing, et c'est ça qui va nous surprendre dans ta réponse. Non, dans ta réponse, pardon. C'est quoi? C'est l'attention que tu portes à l'autre. Ouais. Dans le fait de... Le fait d'être connecté, en fait. Oui, voilà. Et même que ce soit un one shot, comme tu disais tout à l'heure, c'est faire attention à l'autre aussi, pas qu'à toi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et pour toi, je dirais le plus triste ou le pire record, en fait? Le plus rapide. Le mec genre... Est-ce qu'il y a pire ou le pire que j'ai connu, c'est pas le pire que tu as connu, toi. C'est ton expérience qui nous intéresse. Non. le pire que j'ai connu, bon, j'ai pas chronométré, hein. Non, tu dis pas qui c'est, mais tu nous racontes l'histoire, quoi. Ben, en gros, on était rentrés du restaurant. On l'avait déjà fait à peu près, pas tous les jours, mais à peu près tous les deux jours. J'avais molli parce que, apparemment, quand on le fait plus souvent, ben, on tient moins longtemps, enfin, d'après ce que j'ai compris. Tu sais qu'il y a même des garçons qui parfois ont une technique, c'est qu'avant d'aller à un rendez-vous, ils se masturbent. Ah, tu connais Lilou ? Bien sûr. En fait, Lilou, tu sais, quand tu l'appelles et que t'as un date avec elle ou alors que t'as un rendez-vous, elle te dit, branle-toi avant. Va faire pleurer le chinois. Tu sais, genre, la meuf dans les conseils, tu sais, dans les règles d'utilisateur. Elle te dit, branle-toi avant, mec. C'est quoi l'intérêt de ça ? En fait, c'est le cyclope. C'est en fait de pouvoir durer a priori plus longtemps. Mais après, quand tu te retrouves devant elle, t'as plus de jus, donc il y a trois gouttes qui sortent. Non, tu fais ça avant ton restaurant, pas au restaurant. Et dis-moi. Dis-moi. Non. Alors attends, Hugo, moi j'ai une question. Tu baises ou tu cherches à faire de la limonade, frère ? Non, mais vous avez pas compris. Si on se branle avant d'avoir un rapport sexuel dans la soirée, ça sert à rien. Comment ça sert à rien ? En fait, ça diminuerait ton excitation. Bah oui, diminue le liquide qui va sortir plus tard. Alors, c'est quoi ton but ? C'est de kiffer ou alors de faire de la limonade ? Parce que j'ai toujours pas compris. Oui, de kiffer. J'ai l'impression que le mec, c'est un donneur de sperme. Attention, les gars, en dessous de 10 centilitres, il jette les échantillons, quoi. Si. Mais c'est mieux de montrer que voilà, tu as beaucoup de jus, tu vois, c'est plus impressionnant. Ça, t'as beaucoup de sperme. Ouais. Mais attends, mais tu te vides pas entièrement. Tu sais, à l'heure où on vit la génération sida, machin, etc. On s'en fout de ton sperme. Ouais, ça finit dans une capote, mec, alors c'est quoi? Regarde le capote. Le mec, tu sais, genre, il en fout partout. Regarde quand j'enlève, ça meuille partout. On m'appelle arrosage automatique. L'horreur. Il y en a partout sur les murs. Le but du jeu, c'est pas de montrer que t'as énormément de jus, frère. Sur la télé. Il faut pas se tromper d'objectif. Sur en fait, la photo de ta maman. Je comprends ce qu'il veut dire, Hugo. Je comprends ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre. Sur la prise électrique. Ouais. Hugo. Sur le ventilateur, non. Hugo est en train de nous montrer un truc, c'est qu'en fait, il est peut-être égoïste, en fait, au départ, mais c'est pas une mauvaise chose d'être égoïste. C'est-à-dire qu'il préfère être en phase avec sa sexualité ou son plaisir, plutôt que d'essayer d'utiliser des mises en scène, machin, etc., pour uniquement satisfaire l'autre. Ce qui l'intéresse aussi, et peut-être en priorité, c'est son propre plaisir à lui. Mais non, c'est le contraire. Tu viens de démontrer le contraire en expliquant que tu veux envoyer du jus partout, machin, etc. De toute façon, ta pensée ne t'appartient pas. Vas-y, Chloé. Si ton plaisir dure 2 minutes, garde-le pour toi, quoi. Chloé a parlé pour toi. Attention, on va passer rapidement sur cette séquence. Mais non, pour moi, le plaisir de ma partenaire, c'est aussi de recevoir plus de jus que 3 gouttes. Mais elle s'en fout de la quantité de sperme, on te dit. Tu es sûr de ça ? C'est toi ou c'est moi la femme ? Mais mec, quel intérêt de calculer ? Il y a 2 filles qui lui disent. Tu es vraiment sûr ? Tu sais le mec ? Quel est l'intérêt de te concentrer sur le jus que tu sors alors que ça finit dans une capote, mec ? Mais je sais pas, c'est impressionnant, c'est un trophée. Non mais toi tu te kiffes. On en revient à ce qu'il dit, c'est-à-dire que. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que lui il préfère se voir kiffer. Ouais putain j'ai lâché 25 litres. Ouais putain je suis trop fort. Ouais, je me kiffe. Faut voir la voiture du gars, il y en a plein accrochés partout. Mec, attention, vous êtes con, t'es en dessous d'un litre, ça le compte pas. Moi je préfère me réserver. Ouais. Non, en fait je pense qu'il faut pas qu'on se trompe dans le sexe. Après, c'est peut-être ton délire, on a peut-être des délires complètement différents les uns des autres, on est tous un petit peu différents. Le collectionneur. Mais Chloé, honnêtement, la quantité déjà de l'éjaculation, ça peut être un sujet d'excitation. Dans d'autres circonstances, on est d'accord. Pas de là dans le cas de ce soir, mais un mec qui... Oui. Ouais. Tu t'es éloigné du téléphone, on n'entend pas forcément tout ce que tu dis. Allô. Vraiment. Ah ouais, là tu t'es éloigné vraiment du téléphone. Lilou, alors les techniques pour ralentir l'éjaculation au-delà des infusions, au-delà de ces cataplasmes qui peuvent plus ou moins arriver de pays avoisinants, il y a aussi la technique du traumatisme. Alors qu'est-ce que c'est ça ? Attention, cette technique du traumatisme, il faut faire un petit peu gaffe quand vous la faites parce que c'est pas agréable. Comme l'indique son nom, le nom est volontaire pour impressionner. Il faut éduquer ton corps. Voilà, c'est-à-dire que tu crées des réflexes à ton corps. Au moment où tu sens que l'éjaculation, tu commences ce travail d'abord tout seul. Au moment où tu sens que l'éjaculation monte, tu la bloques en fait à la base du pénis en serrant très fort avec ton pouce et ton index. Tu vois le petit canal qui est en dessous ? Tu le bloques. Ah, tu le bloques, tu serres très fort. Et en fait, à force de le serrer très fort, chaque fois que vient l'excitation, chaque fois que monte le plaisir, en fait, tu crées un espèce de réflexe de ton corps. Il faut le faire plusieurs fois. Hein. Ça marche pas en deux jours, ça marche pas en trois jours. Mais, a priori, tu peux créer un réflexe dans ton corps qui fait qu'au bout d'un moment, ton corps réagit. Et lui-même, sans plus que tu aies à tenir ou serrer ou bloquer, lui-même se dit « Attention, je vais jouir, la dernière fois je me suis fait bloquer, la fois d'avant aussi, ça fait trois mois je me fais bloquer, ça fait un an je me fais bloquer. » Et en fait, ton corps réagit et il a pris l'habitude. Et en fait, du coup, c'est risqué parce que effectivement, oui, tu seras plus performant pour la nana, mais par contre, ça sera plus compliqué d'envoyer le signal à ton corps qu'il peut se lâcher à un moment ou à un autre. Si tu l'as éduqué physiquement, il va falloir travailler et contrebalancer psychologiquement pour le moment où tu veux bien te lâcher, t'abandonner. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Mais ça fait pas mal ça de serrer au moment ça où ça peut faire mal. Non, mais non. Ça peut faire mal. Si ça te fait mal, desserre quoi. Voilà. Alors oui, le but du jeu c'est pas tringler tringler la bête. Hein. Le but du jeu c'est de créer un réflexe à ton corps. Que ça devienne bleu non plus. Et quoi. Il paraît que tu peux gagner pas mal de temps comme ça. Il paraît qu'en fait ton corps. Alors après, ça veut dire quels sont tes objectifs ? Est-ce que ton objectif quand tu couches c'est de prendre du plaisir et d'essayer d'en donner à ta partenaire ? Non, moi c'est avant tout de satisfaire la partenaire. Eh ben voilà. Alors le problème c'est que beaucoup d'entre nous choisissent cette option-là. C'est bien de satisfaire sa partenaire, mais faut pas s'oublier non plus. Ouais. C'est-à-dire que en fait ça a aucun intérêt de faire jouer une femme. Moi je trouve que les gens sont super focus quand ils te disent ah ouais moi à partir du moment où j'ai fait jouer une femme je m'en bats les couilles de mon propre plaisir. C'est faux. C'est faux. Bah, pour nous les femmes aussi c'est important de savoir que la personne ressent du plaisir à ce qu'on fait. Donc à un moment ou à un autre tu arrives à un point de non-retour. C'est-à-dire que tu es là dans l'objectif je vais la faire jouer. Et la meuf dans sa tête elle te dit rien, mais elle a le même objectif. Putain, vous êtes là comme des cons. Ben non, pas forcément. Tu lui fais plaisir si elle jouit, après elle s'occupe de toi et termine le travail. C'est pas après, c'est en même temps. C'est en même temps. Oui, mais jamais c'est pas synchronisé. Ça ressemble à deux cons devant une porte. Allez-y, passez. Non. Ou alors deux cons au téléphone. Non, c'est toi qui raccroche. Non, vas-y, c'est toi qui raccroche. Non, vas-y, c'est toi d'abord. On perd du temps. En fait, moi, je trouve qu'idéalement, la relation sexuelle la plus aboutie, la plus évoluée, c'est quand deux partenaires sont capables de se sonder l'un l'autre en se parlant ou en se parlant pas. Avec une magie ou sans magie, peu importe, mais à un moment ou à un autre, qu'ils soient capables d'être compatibles au point de progresser ensemble. Et moi, pour moi, c'est toute la différence. C'est-à-dire que tu peux pas être Rocco Siffredi ou je sais pas, Mandingo le premier soir. C'est que, en fait, tu passes des étapes. Tu passes des étapes et comme ça, tu apprends à connaître. Alors, c'est vrai que ça nous arrange pas aujourd'hui dans la génération Tinder. Ouais, celle-là, je la nique ce soir. Je la niquerai probablement pas deux fois si je fais pas bien la chose la première fois. Oui, je comprends qu'on se mette tous une pression. Les nanas se mettent exactement la même pression. Elles veulent impressionner les nanas. Pas impressionner, mais sentir qu'on fait bien les choses, c'est toujours agréable. Alors, par contre, c'est pas exactement pareil. Je trouve, après, ça c'est peut-être mon expérience, mais je trouve qu'une nana qui se chie dans un rapport sexuel, c'est pas aussi grave qu'un garçon qui se chie dans une relation sexuelle. Dans sa tête, mais peut-être pas dans sa tête. Alors, en fait, en réalité, je t'explique pourquoi. Parce que les filles parlent beaucoup, énormément entre elles. Les garçons, effectivement, ils parlent de trophées, machin, etc. Mais ils rentrent pas dans les détails. Par contre, les filles rentrent dans les performances. Genre, t'as couché avec Yoshi, si le mec il s'est vautré, tu vas dire, putain, Yoshi, les gars, moins de 3 minutes. Hugo va coucher avec Lilou, il va dire, les gars, j'ai tapé Lilou. Il va pas rentrer dans les détails. Il va pas rentrer dans les détails. Et a dit putain j'ai kiffé ou machin etc. Non mais vous dites comme elle est bonne et puis vous oui mais elle est bonne. Non, Yannick, elle est bonne. Oui, imagine-toi quand même la meuf qui le fait pas bien. Mais oui va peut-être plus parler d'elle. Alors moi, perso, qu'elle soit douée ou qu'elle soit pas douée, je refuse de communiquer dessus. Pourquoi? Parce que j'estime que quand j'ai trouvé un truc qui est bon, je veux pas le partager. Et j'estime que quand j'ai trouvé un truc qui est mauvais, j'espère qu'un autre connard va tomber dessus. Par contre, je serai pas celui qui lui aura conseillé. Tu vois ce que je veux te dire? Après, c'est une question de perception. Moi, je suis peut-être pas forcément normal de ce point de vue-là parce que je fais pas partie de la communication. Mais je suis pas dans le genre, ouais, on débrief, elle, machin, elle est comme ça, elle... Tu sais pas, parce que la vérité, et moi ça c'est un truc que j'ai intégré le plus tôt possible, le plus rapidement possible, un moment ou un autre, Yoshi, dans ta vie, en toute honnêteté, tu parles dans ce micro s'il te plaît, oui. Est-ce que t'as déjà été un mauvais amant? Bah, j'ai pas eu de retour négatif. Ok, ça, veut pas dire ça que c'est pas une été. Réponse, c'est une réponse plus ou moins honnête. Moi je vais te dire, en toute honnêteté, que je le sache ou pas, je sais qu'il y a des trucs sur lesquels je me suis merdé dans ma vie, et il y a des choses que j'ai réussi. Parce que la vérité, c'est que ça dépend de la meuf. Ça dépend de tellement de paramètres que tu peux être le pire amant de la planète pour une nana et le meilleur pour une autre. Merci Nessie. Je suis d'accord. C'est vrai. C'est vrai. D'une nana à l'autre, ça peut changer. Le même mec que t'es en train de pourrir, en train de dire c'est un. Et tu sais, le truc différent aussi, c'est que quand nous, entre garçons, on dit oh là là, ouais, non, n'y va pas, mec, étoile de mer, quoi, red alert, n'y va pas. Nous, on n'y va pas. Mais les filles, quand elles disent « Il a un truc un petit peu bizarre, un petit peu cochu, machin, etc. » Apparemment, il aime... La meuf, sa copine, ça crée une curiosité, elle se dit « Je vais vérifier par moi-même. » C'est comme si tu disais « Ah non, pas prendre cac là. Hein. Ah non, pas prendre cac là. Cac là mauvais. Hein. Cac là, café, yo, wedjab là. Elle est yo, wedjab là, yo, capete, ka, là. » Et elle se dit « Ah putain, je vais essayer le crack. » Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Vous êtes très comme ça, les filles. Ah bon? Moi, quand on me dit c'est pas un bon coup, j'ai pas spécialement envie d'y aller. Mais si. J'ai une copine qui a couché avec Shaggy, elle m'a dit il est nul. Jusqu'à présent, je me disais waouh, Shaggy quand même. Nessie, demain, Shaggy. Oh là, tu prends un mauvais exemple. Demain, Nessie, Shaggy débarque dans le studio. Qui? Shaggy débarque dans le studio. Tu as un ticket avec Shaggy. Arrête. Ok. Tu as un ticket avec Shaggy. Le mec, il te regarde. Il a son regard et il fait Mr. Lava Lava. Mr. Lava Lava. Baby girl. Mr. Lava Lava. Et puis après, il fait Fall off them. Tu vois comment tu rigoles tu déjà. Lui dis non, Booba, par contre, on me dit Non, je veux tester. On reste sur Shaggy. Donc. Non, Shaggy non. Elles sont trois me l'avoir dit. Elles sont trois à avoir couché avec le mec. Trois, oui. Trois. En Guyane, il y a au moins deux connes. Il y a au moins deux connes. Quoi? En Guyane? Il a bien écumé, quoi. Oh, Carolina. Donc tu penses vraiment qu'il sait pas faire ça? Je pense pas. Il peut être très mauvais. Donc du coup, s'il vient, tu vérifies pas? Non. Ouais, son doudou écoute la radio. On mais tu sais. Mais il paraît que ça s'est remonté à ses oreilles, qu'il était pas un super bon coup. Il paraît qu'il a fait une chanson d'ailleurs à propos de ça. C'est It Wasn't Me. Il paraît qu'il s'est défendu de ses allégations outrancières. It Wasn't Me. Moi, couche avec Nessie, It Wasn't Me. Avec les copines de Nessie, It Wasn't Me. Hein, avec Sabri, It Wasn't Me. Merci. J'étais un bon coup. That was me. Bref, non, moi je sais pas, je pense que vous avez envie de vérifier. Et la curiosité humaine, elle est un peu comme ça aussi, franchement. Lilou, on te dit demain, un mec qui te fait kiffer, ok, je prends un exemple, admettons que Keshi te fasse kiffer, ok. Prends Booba comme exemple, prends des trucs, quoi. Excuse-moi, non, c'était pas par rapport à toi que j'ai dit ça. Eh ben, excuse-moi, j'ai pas pris Booba, j'ai pris Boudin. Alors, tu as pas aimé. Boudin noir, frère. Mais réponds, Keshi. Boudin noir. Keshi, réponds. Bon, alors, admettons, tu fantasmes sur Keshi, ok. Yoshi vient te dire, putain, Géraldine m'a dit que Keshi, c'est une merde aux pieux. Sabri vient te dire, putain, tu sais quoi? Mais je suis accouché avec Nessie, frère. Nessie a pleuré après, elle s'est sentie sale, machin, etc. Tu vas pas vérifier? Non, j'en parle à la radio. Les ex de Keshi, appelez-nous. 0820 203 200, c'est le numéro de téléphone pour nous joindre. Moi, je sais pas, je pense que ça dépend. Tu peux jamais être l'égal de toi-même. Bien sûr, tu sais, chaque personne est trois choses. Je vais rentrer peut-être dans un truc un peu ésotérique, mais chaque personne est trois choses. La personne qu'elle pense qu'elle est, ce qu'elle est vraiment, et ce que les autres pensent qu'elle est. Tu vois? Et en fait, notre personnalité, elle oscille entre ces trois personnages, en fait. Et donc, à un moment ou à un autre, tu es le connard de quelqu'un, tu es le pire amant de quelqu'un, tu es le meilleur amant. Il y a des nanas, elles te kiffent tellement, tu leur touches le bras, mais... Ça, c'est vrai. Il y a des mecs, c'est pareil. Bah, tu vois, c'est exactement... Des mecs, c'est pareil. Sabri, parle-lui. Parle-là. C'est pas vrai. On n'est pas comme ça. Il n'y a aucune nana qui, à ce point, me fasse moi mourir juste en me regardant. Pas, mais certains mecs. Sabri. C'est pas vrai. Il y a une nana qui te fait mourir, rien qu'en te regardant, tu meurs. Tu meurs, tu chantes. Ah, tu meurs dans, en plus dans un orgasme magistral. Non, franchement, non. Quoique. Tu penses à qui, Sabri? Une chanteuse de zouk. À qui? Kimibi. Ouais, quand même, là, ouais. Ah ouais, quand même. Ouais. Même pas Nestlé. Ah putain. Ah ouais, deux. Alors. Ouais, non. Mais ouais. T'es un fragile, en fait. T'es un fragile, ouais. Mec. T'es non, un fragile. Non, il y a des trucs qui sont pas faits pour Yoshi. Moi. Yoshi. Oui. Real Batman. Oh, Will Batman, y'a qu'à fond de vos femmes ou pas? Non, Will Batman, pas qu'à fond de vos femmes. Bah, tu es un menteur, frère. Tu es un menteur parce que je sais exactement ta faiblesse, je connais Keshi. Lui, c'est une moto. Putain, le temps que Keshi se déplace, frère, il y a une espèce d'effet, tu sais. Non, mais pour Keshi, faut reposer la question. Keshi, quand tu entends un moteur d'une GSX R1000. Voilà, putain, on va parler arrivé. De. Ah, et que tu l'aperçois au coin de la rue. Avec une Chattawalpa, mais qui conduit. Ah là ouais. Putain. Là c'est bon temps. T'es un fragile mec. T'es un fragile. Little Mam dit Shaggy Booba. Ouais et non. Faut pas déconner non plus. Tu t'expliques pas Princesse Mayu. Qu'est-ce qui fait que non Shaggy et qu'est-ce qui fait que oui peut-être Booba. J'en sais rien. Yashubi qui dit Keshi parle-nous mieux que ça s'il te plaît. 0820 203 200 également sur le net www.trace.fm. Moi je pense que le sexe c'est une histoire entre deux personnes. Et à partir du moment où tu essayes d'inclure le reste de la communauté dans ta sphère, t'es pas objectif. Et je dis ça pour toutes les nanas qui adorent bavasser sur les mecs, comme pour tous les mecs qui adorent bavasser sur les nanas. Sache que même le mec qui est le meilleur amant au monde, bah dis-toi mec, si toi t'as cette certitude-là en pensant à toi-même, qu'il y a une meuf qui pense le contraire, et c'est cette meuf-là qui te hante. En général, un bon coup, c'est un bon coup. Je suis pas sûr. Ah, il y a des gars qui sont bons avec tout le monde. Je suis pas sûr. Il y a des gens qui jouent sur leur force. Il y a des gens qui jouent sur leur force physique, machin, etc. Sur leur magnétisme, parfois sans avoir à te toucher. Il y a des gens qui jouent sur le fait que ils aient une énorme queue. D'autres, ils ont pas forcément une énorme queue, mais ils ont une bonne endurance. Chacun fait avec ce qu'il a pour essayer de se satisfaire et de vous satisfaire. Selon l'ordre, selon Hugo, de vous satisfaire et peut-être après de se satisfaire. C'est plus comme ça la réalité des choses. Tu penses que vraiment un bon coup, c'est un bon coup pour tout le monde? Il y a des gars, ils assurent avec tout le monde. Qui que ce soit. Ouais. Moi je te dis, je mets ton gars. Mm-hmm. Tu veux me citer un nom ou pas? Moi je dis, donne pas de nom, donne des numéros. Je mets ton gars face à Vincent McDoom, on va voir. Je mets ton gars face à Adriana Carambeu, on va voir. Je mets ton gars face à Beyoncé, on va voir. Il y a des gens qui sont capables de gérer leur stress. Tu confirmes ce que je dis? C'est-à-dire alors. Machin que il y a certaines femmes, quand tu te retrouves face à elles, tu peux être défaillant. Mmh. Oui. Mais c'est ce que je dis depuis le départ, mec. Hein. Oui, mais tout à l'heure, quand je t'ai pris en exemple certaine, tu me dis petit doudou. Machin. Ah non. Toi, par rapport à celle que tu as choisie, petit doudou. Ah, ah d'accord. Fallait prendre des Beyoncé, des Adriana Carambeu. Nestlé vaut bien une Beyoncé, désolé. Nestlé est très très jolie, très désirable, machin, etc. Mais je sais pas si moi non, je serais pas impressionné. Le gars espère qu'elle écoute et qu'elle se dise « Ah bon, tu serais pas impressionné ?» Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, Yannick. Non, j'ai pas ces stages-là, hein, mec. Hein, d'essayer de provoquer des choses. Bref, on a fait le tour ou pas? Oui.